Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 3, épisode 50. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter, si vous le désirez, sur notre adresse email. Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, si vous souhaitez nous encourager à continuer, à nous faire des dons, une aide financière, exclusivement en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum ou Monero, selon la monnaie qui vous convient le mieux. N'hésitez pas, ça nous permet de continuer, ça nous permet de vous informer. Chaque semaine, on prend beaucoup de plaisir à le faire, mais il y a aussi des contraintes techniques qui coûtent de l'argent. Alors, une fois que j'ai dit ça, sachez aussi que nous avons la version maintenant PDF hebdomadaire de Démocratie Participative, qui est disponible normalement chaque lundi. Téléchargez-le. Vous avez tous les articles de la semaine qui sont disponibles dessus. Alors, bien évidemment, nos auditeurs et nos lecteurs le savent. Il y a plus ou moins tel ou tel article qui a plus de valeur qu'un autre, c'est certain. Mais globalement, quand même, ça permet en fait, bien sûr, d'archiver, mais aussi de mettre à disposition de nos très nombreux, de notre public, quoi, hein, de nos très nombreux auditeurs et lecteurs, un contenu sur support numérique qui soit facilement échangeable. Pourquoi on l'a fait et quel est l'intérêt? Alors pourquoi on l'a fait? C'est pour bien évidemment contrer la censure. Et c'est pourquoi le format PDF, parce que c'est très facilement échangeable. Vous pouvez envoyer ça par email, vous pouvez mettre ça sur des plateformes d'échange, de partage, sur archive.org et quantité d'autres plateformes. Et comme ça, vous pouvez disséminer le contenu de Démocratie Participative au-delà de toute censure. Voilà, c'est ça le plus important qu'il faut souligner. Nous sommes et nous allons faire de plus en plus face à une censure de type gouvernementale, bien évidemment d'inspiration juive, hein, le pouvoir juif international exige de la part de l'Union européenne et des gouvernements individuels des actions très fortes en matière de censure. Donc ne soyez pas passifs, n'attendez pas d'avoir affaire à la censure pour prendre des contre-mesures. On a beaucoup parlé des VPN, prenez des VPN, adoptez Tor, adoptez Brave, le navigateur Brave en français, qu'on recommande qui intègre Tor nativement, donc vous n'avez pas besoin d'avoir le logiciel Tor qui vous permet de contourner la censure. C'est très important pour la suite. Bien sûr, Démocratie Participative est visée, mais ça va cibler beaucoup d'autres sites dans les années qui viennent. Ne restez pas l'arme au pied, soyez proactifs, luttez dès aujourd'hui contre la censure et adoptez en fait les stratégies qu'on vous recommande, notamment celle du samizdat, hein, pour ceux qui savent, hein, le samizdat, c'est, comment dirais-je, les documents imprimés par les dissidents d'Union soviétique que les dissidents se donnaient les uns aux autres, voilà, clandestinement, hein, la presse clandestine en Union soviétique, voilà, pareil. Démocratie Participative existe en PDF, vous pouvez et vous devez la partager avec vos amis par email, sur des clés USB, etc. N'hésitez pas à les mettre ailleurs sur beaucoup d'autres plateformes. Vous pouvez aussi même les télécharger dans les... Ça, c'est bien aussi à faire. Ça, c'est le podcast. Le podcast, partagez-le. Ne vous contentez pas de le télécharger. téléchargez-le et partagez-le. Hein. Mettez-le aussi sur des plateformes de partage, audio ou vidéo, mais aussi dans des magasins. Les magasins Apple, etc., n'hésitez pas à uploader l'émission et à la brancher pour ceux qui passent et qui veulent écouter le son. N'hésitez pas, je veux dire, tous les moyens sont bons. Hein. Diffuser, diffuser, diffuser. Voilà. Donc, j'ai procédé à ces rappels. Donc, je vais maintenant présenter nos participants de cette semaine. Je vais commencer avec MacDav, le grand retour de MacDav. Alors, beaucoup de gens, il y a eu des spéculations là-dessus. MacDav aurait été expulsé de démocratie participative parce que ça n'allait plus, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Simplement, c'est une question de disponibilité. Voilà, hein, on fait un peu ce qu'on peut. Salut MacDav. Salut les amis. Ah oui, alors effectivement, j'étais absent, mais j'écoutais avec un grand plaisir les émissions de démocratie participative. Si j'ai dû m'absenter, c'est uniquement parce que j'avais d'autres choses à faire. Et que tenir un site comme Démocratie Participative, c'est du travail. C'est voilà, hein, derrière, il y a du boulot. Arbeit. Alors, puisqu'il prend la parole, je salue Derrick. Arbeit, Martfrey. Tout à fait. Oui, salut. Le travail. Salut Derrick. Comment vas-tu? Ouais, la pêche. Content de retrouver le camarade de MacDav. Et content de retrouver toute l'équipe. Évidemment, bien sûr. Fulbert est aussi avec nous cette semaine, ça me fait plaisir, Fulbert, de t'avoir avec nous, comme chaque semaine. Ah ben merci, bonjour Gandalf et bonjour à tout le monde. La fidélité du vieux soldat. Par chez toi, il se passe des choses en Belgique, ça remue en ce moment-là, j'ai vu qu'il y a une belle manifestation anti-immigration à Bruxelles, les flics ont cogné un petit peu là. Oui, ben j'ai peu de nouvelles en fait, mais effectivement, j'ai vu quelques vidéos, il y avait apparemment beaucoup de gens et... Comme tu dis, j'ai vu une vidéo qui montrait l'arrivée de véhicules de police qui étaient très nombreux. Donc, effectivement, ça a dû remuer sec là-bas. Vous pouvez trouver... gilet jaune Non, c'était une manifestation. Bon, c'est lié, hein, mais contre la signature du pacte de Marrakech par le Premier ministre, l'abominable Monsieur Patate, Charles Michel. D'accord. Non, je croyais qu'il devait y avoir des gilets jaunes, c'est pour ça. Il y en avait, mais c'était un peu plus tôt dans la semaine. Ok. Un peu plus tôt dans la semaine. Alors, j'enchaîne. Nous avons aussi cette semaine présent avec nous Pierrot, bien sûr. Salut Gandalf, salut tout le monde. Est avec nous aussi cette semaine Hopman, Captain America, déterminé à nous parler plus que jamais de la guerre raciale en cours. Comment vas-tu? Hopman, il va bien, Miri Scout. J'espère que tout le monde va bien également. Et puis, j'espère aussi que nos amis, les nègres impromptus et sauvages, se portent comme des fleurs dans notre cher pays. En avant. En avant, les nègres malgaches, italo-portugo, anti-libano. Arrête de dire du mal de Miss France, c'est très très mal. Tu m'as grillé. Enfin, Alexis est avec nous cette semaine. Salut Alex. Salut Gandalf. Et puis, salut à tout le monde, évidemment. Ouais. Alors, je pense que j'ai oublié personne. Non, j'ai oublié personne. Alors, nous allons entamer cette émission avec nos rubriques traditionnelles, courrier des lecteurs. Il y a un courrier cette semaine qui est en fait... un compte-rendu de ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris, le 8 décembre, d'accord, manifestation avec cet énorme déploiement de forces de police dans Paris, et nous avions bien évidemment des démocrates participatifs présents sur le terrain, et donc je vais vous citer ce compte-rendu très intéressant, parce qu'il est, assez haut en couleur, et ça vaut le coup d'être lu quand même, puis ça fera ton sur ton avec ce qu'on dira dans la deuxième partie, parce que bon, comme vous le savez, je le répète quand même, c'est pas que l'émission est exclusivement focalisée sur les gilets jaunes, mais elle est focalisée sur l'actualité, donc par définition, priorité à l'actualité. Donc effectivement, on va devoir parler des gilets jaunes, mais avec plaisir, hein. c'est pas un problème, mais je précise ça. Alors, bonjour à toute l'équipe. Je tiens à vous faire part d'une petite anecdote vécue avec nos meilleurs alliés. C'est ironique, hein, nos meilleurs alliés, hein. Parle des juifs bien sûr, lors de la manifestation des gilets jaunes à Paris ce 8 décembre. tenant absolument à participer à ce rassemblement sur les Champs-Élysées et sachant que le dispositif policier ne permettrait pas de passer les barrages avec des équipements de protection, type lunettes de ski ou masques filtrants, j'ai recherché un moyen de pouvoir passer avec des objets de protection à tout prix, comprenant que les forces de l'ordre ne feraient pas de carte ce jour-là. J'ai donc contacté des personnes désireuses de créer une organisation de secourisme non officielle. Je rejoins donc ce groupe dans Paris, assez loin du rassemblement, une trentaine de personnes avec des compétences médicales variées, composant ce groupe baptisé STO, pour soins tactiques opérationnels. Après pour parler avec les CRS, on nous laisse finalement rentrer dans la manifestation. J'ai donc pu passer avec un casque, un masque filtrant, et finalement j'aurais pu avoir n'importe quoi, car nous n'avons pas été fouillés. Nous remontons le cortège pour rejoindre les Champs-Élysées. Sur notre route, les gens nous applaudissent. Effectivement, nous ne passons pas inaperçus avec nos casques et nos t-shirts blancs coloriés d'une croix bleue et du sigle STO. Soudain, un individu à l'origine douteuse, une sorte de sosie de Balkany, nous aborde et nous demande agressivement la signification de STO. À vrai dire, les infirmiers et secouristes rassemblés sur le tas ne se souviennent plus de la signification exacte. Notre juif se lance alors dans un cours d'histoire. « Vous ne savez pas ce que ça veut dire ? Bah moi je vais vous dire ce que ça signifie. Le STO, c'était le service du travail obligatoire pendant la guerre, alors faites attention à ce que vous portez, c'est honteux !» Je ne peux réprimer un fou rire, tandis que les soigneurs ne comprennent rien à ces histoires. Bref, nous remontons la manif. Ai-je oublié de préciser qu'une équipe de M6 nous suit avec ses gardes du corps bougnoules pour un reportage de 66 minutes. Je décide de m'éclipser une fois bien inséré dans le cortège tout en gardant le contact avec certains membres du groupe. J'apprends plus tard qu'ils ont pu venir en aide à plusieurs blessés touchés à la tête par des flashballs. J'apprends également que plusieurs manifestants au cours de la journée ont été choqués par le terme STO et que si les CRS les ont laissés circuler le matin, le soir venu dans les transports, on a bien pris soin de les contrôler, de les fouiller et de relever leur identité. Il parle bien sûr des manifestants qu'on avait laissés passer dans un premier temps. Finalement, l'organisateur a tenté de déclarer l'activité en préfecture. L'autorisation d'intervenir leur a été accordée après avoir... Donc il parle de son groupe d'infirmiers là. L'autorisation d'intervenir leur a été accordée après avoir changé le nom du groupe en croix bleue, STO n'étant pas au goût du préfet. Bonne continuation à toute l'équipe et vive la révolution antisémite des chemises jaunes C. Bon, c'est haut en couleur, j'ai dit, hein, c'est folklorique, mais c'est très vivant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah écoute, c'est sympa, ça peut me rappeler ce que j'ai vécu un petit peu dans ma ville. Par contre, il y a des bougnoules qui gardent les journalistes, c'est ça, c'est incroyable. Garde du corps, ouais, c'est étonnant. Ouais putain, ouais, non mais c'est bien, c'est une bonne chose quoi, les mecs flippent. Ils sont en train de flipper, ils font dans leur culotte, ils ont besoin de la racaille pour se protéger, donc c'est une très très bonne chose. C'est juste. Bah oui, c'est une bonne chose parce que ça coalise, quoi. C'est-à-dire que là, tu as d'un côté les blancs et de l'autre les journaleux, tous les parasites qui ont leurs mercenaires, nègres, bougnoules et compagnie. Pour revenir sur ce que dit, notre auditeur, du coup, c'est quand même surprenant parce que tu as un juif qui se plaint et quelques heures plus tard, les flics ne laissent plus passer, quoi. Le type a dû appeler la préfecture, il a dû faire jouer tous ses réseaux pour dire qu'il y avait des fascistes du NSDAP qui voulaient rétablir le STO et faire travailler. Bon, en plus, c'était pour les travailleurs français, le STO. Hein, et il a dû se dire, c'est Auschwitz, ça y est, on va devoir retravailler, au secours. Ouais, c'est ça, je crois que c'est la notion de travail obligatoire qui l'a choqué, le mec. Ouais, bah oui, c'était le juif, ouais, c'est ça. Ouais, ça ouais. Ils ont travail obligatoire, non, et non. Ils en ont fait. Voilà, on entend parler depuis 70 ans, quoi. Oh non, non, ils ont juste tapé. C'est un privilège, quoi. Tu peux pas parler de choses qui concernent la Seconde Guerre mondiale sans l'aval des juifs. C'est surtout ça. Enfin, visiblement, le fait de se déambuler dans une manifestation avec le sigle STO. Alors que c'était sans lien officiel d'ailleurs avec le truc. Ce qui est d'ailleurs, le service travail obligatoire, c'est pas une organisation. C'était juste C'était juste, voilà, enfin, on envoyait des... C'est pas une organisation nazie, c'est juste un truc, voilà, on envoyait des Français travailler en Allemagne. Bah, c'est le tribut de guerre, hein, de la guerre. Voilà, a bon, déclaré, c'est tout. C'est pas une bannière fasciste, enfin, c'est absurde, mais les mecs sont dans un tel état de psychose que, voilà, mais ils ont été balancés, ce serait juste de souligner, ça a déclenché l'ire, ou en tout cas la suspicion très marquée du préfet de police de Paris qui... Bon, on va pas revenir sur son calibre, mais bon, si les préfets de police de Paris, en soi, ça vaut déjà culpabilité, quelque part. Ouais. C'est pas vrai. Non, il faut noter aussi qu'après, ils ont tous été fichés, quoi. Carte d'identité, en note, voilà. Ouais. Oui, oui. La République aime bien faire des fiches. Bah, nous aussi, alors, tu le diras. Hein, cette... Ouais, nous aussi, ouais. Ouais, bah, oui, bah, affiche, fiche et demi. Hein. Voilà, c'est ça. Alors moi je propose peut-être un sigle alternatif pour un petit peu apaiser les esprits. Secours spéciaux, ça peut être pas mal ou ça. Ou service de santé. Oui, service de santé, ça peut être bien. Hein, voilà, SS, voilà, tranquille, vous mettez ça. Et alors, bon, si des gens sont choqués par la croix bleue, on peut imaginer, ouais. Je sais pas, une rune. Une croix noire avec un rond blanc et puis un fond rouge. Ouais. Non, non, mais service de santé, voilà. Soyez plus neutre, voilà. C'est bien, SS. En fait, le nom STO était déposé, c'est pour ça qu'ils ont été choqués. Un peu comme Bernard-Henri Lévy a fait remarquer que le mot gazé, ça appartenait à une certaine communauté. Pour bah ouais, hein. Après, y a des royalties, quoi. Tu vois, il y a des shekels qui doivent tomber régulièrement. Tout à fait. Bon, en tout cas, sympa hein, de voir que nos démocrates participatifs sont. Il a raison, il fallait absolument participer. Alors, bon, on va revenir de toute façon sur les manifestations, donc c'est pas la peine de s'arrêter là-dessus tout de suite. Mais à noter quand même l'ingéniosité, pardon, de notre auditeur qui dit qu'effectivement, se glisser en tant qu'organisation de secouriste dans les manifestations, ça peut être utile. Ça peut être utile. Voilà, vous connaissez le truc. Bon, je pense que les CRS vont vite s'adapter, mais enfin bon, au moins vous le savez. Ça va. Non, mais ils ont été utiles de cette manière. Oui. Vu les gens qui se sont ramassés des. La nana qui s'est fait crever l'œil, enfin, t'as eu plein de trucs. Il y avait ces gens-là qui étaient. Oui, là. Mais enfin bon, j'ai envie de dire, elle a peut-être perdu un œil, mais c'est pour la défense de la démocratie. Donc... Alors, oui, enfin, surtout de la République. Oui, voilà. Oui, monsieur, oui. Il faut quand même priorité quand même garder. Je conseille, je voilà. Le respect de l'ordre judéo-républicain. C'est ouais, ça, voilà. C'est comme le STO, tu n'utilises pas le STO, ça appartient aux juifs. Donc si tu le prends, c'est-à-dire que tu as une dette. Et l'antisémitisme vient de là, c'est-à-dire que quand on a une dette... On ne veut pas la rembourser, du coup on est antisémite. Moi j'ai envie de dire, j'ai envie quand même une petite pensée quand même pour les gens de la BAC 93-94 qui sont déplacés en force quand même. Merci beaucoup quand même pour la très belle performance sur les Champs-Élysées parce que grâce à vous quand même, en ayant quand même éclaté les yeux de gamines de 20 ans, vous avez quand même protégé les porches des Ashkénazes du 16e et autres. C'est bien. Moi je tiens quand même à souligner là un vrai courage, mais ça mérite d'être souligné. Donc merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Qui d'autre là-dessus ? Ou on enchaîne ? On enchaîne. Alors, on passe à la rubrique Tisme radical. Et on va dans la région de Bordeaux. De Bordeaux, Bordeaux cosmopolite, Bordeaux multiculturel. Une ville très vibrante, dont le maire est, comment dirais-je, Alain Juppé, un excellent maire, quelqu'un de très très brillant, qui a beaucoup fait pour sa ville, notamment pour y importer des nègres, etc. Alors, je vous livre cette anecdote qui nous est contée par France Bleu, hein, les contes de la diversité, pourrait-on appeler ça. Une enquête a été ouverte après la plainte déposée par une étudiante violée près de l'arrêt de tram B, Doyen Bruce sur le campus université de Pessac. Dans un mail, Manuel Thunon de l'ARA, le président de l'université de Bordeaux, appelle les étudiants à la vigilance. L'agression remonte à une dizaine de jours, un soir tard sur le campus de Pessac. près de la station de tram, comme je l'ai dit, hein, doyen Bruce. Selon la plainte déposée pour viol par une étudiante, le président de l'université en question vient de lancer un appel à la prudence par mail auprès de ses étudiants pour qu'ils signalent tout comportement suspect, qu'ils ne laissent aucun camarade rentrer seul. Alors là, et là, je crois que c'est le plus important, et pour qu'ils évitent les raccourcis mal éclairés. Voilà, les problèmes d'éclairage. Ces consignes avaient déjà été rappelées début octobre lors d'une réunion sur le campus universitaire. Comme quoi, il y a des gens qui n'écoutent pas. Les patrouilles de police ont par ailleurs été renforcées dans le secteur. Et d'ailleurs, ça, elles ont montré toute leur efficacité. Alors, mes petits amis, on va pas faire quand même tout l'historique des agressions pour viol, d'agressions de violeurs sur le campus de Bordeaux sur Pessac, hein, et dans exactement la même zone. Il y en a eu en 2012, en 2013, il y en a encore des individus louches partout. Je vais donner la parole à Hopman parce que je crois savoir qu'il a une expertise en matière de viol, je crois. Il est professionnel de ça. Alors, non, pas parce que c'est pas un violeur, hein, c'est pas ce que je dis. Mais il a un archivage des cas de viol commis par des métèques, des nègres en tout genre, des arabes. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Hopman? Problème d'éclairage, relations interculturelles difficiles. On sent le leadership du président de l'université. Hein. Moi, je suis béat devant autant d'esprit de sacrifice. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que déjà il y a des problèmes là-bas et que la réponse la réponse des présidents d'université, c'est si on mettait de la lumière, ça changerait, hein. Hein, non, vous croyez? Non, alors, voilà, on va donner un exemple, là. 2012, je vous cite Sud-Ouest. Malik Kalane, je sais pas, est jugé à partir d'aujourd'hui pour 5 viols, dont 3 viols d'étudiantes bordelaises, tous commis de 2007 à 2008, entre la banlieue parisienne et Pessac, hein. 35 ans à l'époque des faits, comparé à partir d'aujourd'hui, blablabla, il est accusé du viol de 5 jeunes filles, commis entre 2007, comme je l'ai dit, Pessac. 3 d'entre eux ont été perpétrés entre le 13 et 27 mai 2007 sur le campus universitaire de Pessac. Malik Kalan, bénéficiant de la présomption d'innocence, s'affirme lui victime d'une machination. Il y a des machinations comme ça. Sud-Ouest, toujours, en 2013. Jugé depuis lundi, Ali Amami, 23 ans, a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur 2 étudiantes en avril 2012, non loin du campus de Pessac. Les 2 agressions avaient eu lieu à seulement quelques heures d'intervalle dans la nuit du 12 au 13 avril 2017. Une jeune fille de 18 ans avait été victime d'une violente agression sexuelle alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la porte de l'habitation où elle louait une chambre après une soirée en boîte de nuit. Bon, oui, voilà, enfin les faits s'enchaînent, etc. Alors c'est fascinant parce que nous avons eu aussi récemment un signalement de la part d'un énième métèque horrible, à caractère d'ailleurs négroïde, hein, des traits négroïdes, qui se livrait depuis 2 ans à du harcèlement sexuel, dans l'indifférence la plus totale de toutes les organisations étudiantes qui appellent à ne pas stigmatiser, etc. Moi je sais pas, hein, je veux dire, si les blanches qui sont présentes sur ce campus, et je présume, il y a même pas que des blanches en fait, parce qu'il doit y avoir des échanges internationaux, donc il doit y avoir quelques nanas qui viennent de pays étrangers, je ne sais pas de quelle nation, mais enfin peu importe, qui, je sais pas, enfin... Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ils veulent protéger absolument le dogme du racisme, quitte à sacrifier sur ce dogme, sur l'autel du dogme antiraciste, les gonzesses pour qu'elles se fassent violer. Je sais pas, moi je m'interroge, parce que j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui est le plus important, l'antiracisme ou bien le féminisme? Question. Bah, en fait, c'est l'éternel choix. Tu sais, t'as 2 boutons et t'as le mec en sueur qui sait pas sur lesquels appuyer, quoi. C'est défendre les femmes ou défendre les minorités ethniques, quoi. Et tu peux pas faire les deux en même temps, quoi, apparemment. Ah bah oui, visiblement, tu peux pas faire les deux en même temps, oui, ça paraît très clair. Mais la justice française a l'air d'avoir tranché, quand même. Ah bah oui, de toute façon, les femmes passent après les PD et après les nègres et les boucaques, hein. Ouais, c'est très clair, ouais. Alors, sauf... Je sais pas, y a pas quelques femmes volontaires pour donner des cours d'éducation sexuelle, avec si possible des pratiques pour Mamadou. Voilà. Pour lui apprendre à... Bah voilà, oui, non, mais faut... Il faut lutter contre le racisme structurel, quoi. Donc à un moment donné, ça va pas se faire tout seul. Hein. Moi, je propose, écoutez, plutôt que... Parce qu'il y a un certain nombre de femmes gauchistes volontaires pour aider des migrants, d'ailleurs, ayant des arrière-pensées, hein, moi, je leur propose d'aller sur le campus de l'Université de Bordeaux à Pessac, là-bas, et puis de se mettre à disposition des violeurs. Voilà, comme ça, les étudiantes, n'ayant pas beaucoup d'appétit pour les ogres du Maghreb ou de l'Afrique sidaïque pourront continuer à vaquer à leurs études pendant que des rombières de 60 ans retraités de l'éducation nationale ou bien des babos shootés, comment dirais-je, à la kétamine se feront bourriquer par des violeurs nègres. Voilà. Alors bon, il y a des risques. Hein. Vous pouvez aussi vous faire égorger. Mais enfin... C'est pour aussi une société meilleure, une société diverse qui fasse toute sa place à ces nouvelles populations qui nous arrivent hein, du cœur de l'Afrique. Donc voilà, une innovation peut-être plutôt que de parler d'éclairage, parce que alors ils ont tenté le truc. On parle beaucoup d'urbanisme, j'ai remarqué. On parle de viol et les réponses sont souvent relatives à l'urbanisme. Éclairage, trottoir plus large, distributeur de capotes, on sait pas trop. Voilà, ouais, je sais pas, je suis pas trop convaincu. Moi, je propose plutôt un grand appel au volontariat. Finalement, on reste dans la fibre humanitaire. On demande à toutes ces femmes qui se dévouent, à toutes ces femmes de gauche qui se dévouent pour les migrants, de passer des mots aux actes. Hein. Le campus voilà, de Pessac donner des cours attend. De séduction, donner des cours de danse, de zumba, lui apprendre à manger avec le petit doigt relevé au nègre. Il faut qu'elles se dévouent, les femmes, là. Allez. Nous demandons la création d'un stand de gilets roses tenu par toutes les volontaires féministes de la ville au niveau de l'arrêt doyen Bruce. Merci d'avance. Voilà. Make Bordeaux great again. Et pareil, il ne faudrait pas une croix bleue, mais il faudrait une croix rose ou un truc comme ça. Et puis, pas STO, mais autre chose, mais... Qu'elles interviennent, quoi, je veux dire, pour l'humanité souffrante. Alors, je dis l'humanité vraiment par charité chrétienne, hein, parce que, bon, on parle quand même de populations qui se sont réchappées quand même de Centrafrique. Enfin, c'est quand même terrible. Bon, appel lancé. Mais il n'y a pas que ce problème-là. Moi, quand j'étais étudiant là-bas il y a quelques années déjà, il y avait aussi tous les gitans qui envahissaient le campus dès l'été, quoi. Dès l'été jusqu'à... septembre, octobre, je dirais, parce qu'il y a des... Alors, pas la guitare. Ah, bah, je sais pas trop mon truc, comment il s'appelle, le Gypsy... C'est bien la guitare, moi j'aime bien la guitare. Ouais, t'aimes bien les Gypsy Kings, quoi. Ah, c'est ça, les Gypsy Kings, ouais. Mais les Gypsy Kings qui mangent des hérissons en bas dans ton jardin et qui chient partout dans les villages universitaires, c'est moyen, du coup. Bah non, ça fait partie de cette diversité qui nous fait vivre au quotidien des expériences nouvelles. Moi, je ne comprends pas. Mais de toute façon, les gens sont fermés de nos jours. Ils sont fermés. Ils se raidissent en plus. Là. Donc, non, je sais pas. Ouais, de toute façon, c'est de la pelouse inutilisée sur le campus de Bordeaux. Donc, de quoi vous vous plaignez en plus, quoi. Hein ? Les cours de guitare gratis. Putain, regarde, tu donnes des cours de guitare gratuits aux gens et t'as encore ces enculés de lepénistes qui viennent te faire chier. Ben oui. Allez-vous pendre. Nopassaran. Qui d'autre là-dessus, sur cette... Sans ironie, là, pour le coup. Non, mais on peut dire clairement que le président universitaire, on n'a strictement rien à foutre que ses étudiantes se fassent violer. On peut le dire, non, enfin, je veux dire, c'est pas... C'est l'histoire du même avec le Captain Sweden qui peut pas choisir entre protéger les gonzesses ou... aider les immigrés à venir en Suède, quoi. Ben là, c'est pareil, quoi. C'est soit t'as des hommes blancs, on va dire catholiques, ou on va dire des hommes blancs chrétiens ou athées, et païens, vous oublie pas, qui sont solides, ou alors t'as la version complètement féminisée de l'homme blanc qui ne sert plus à rien parce que ça fait 40 ans qu'on lui tape dessus, quoi. Donc à un moment, les gars, va falloir choisir, quoi. Soit vous voulez l'ordre, soit vous voulez le chaos, quoi. Mais si vous voulez le chaos, allez vous faire enculer après quand vous faites agresser. Moi, je pose une question, mais sur ces campus-là, arrivé à un certain stade, il y a pratiquement plus de blancs, donc je vois pas bien qui c'est qui les discrimine sur le campus. J'ai du mal à... Je sais pas bien là. Moi, les seuls mecs qui ont l'air de se faire discriminer, c'est les blancs hein, sur le truc. Hein. Mais bon. Est-ce qu'on est sûr que le directeur du campus de la nuit va pas faire des petits tours dans le bois pour non avec une capuche Ça fait quand même. Tu... Ouais. Est-ce qu'il se fout pas du cirage sur la gueule? Parce que ça fait quand même petit moment que ça dure le truc, tu vois. Et il voudrait pas qu'on lui offre son petit jardin, quoi. Mais en fait, tant que ça affecte pas ces huiles-là, il se passera jamais rien. Et c'est ce que démontrent les gilets jaunes d'ailleurs, c'est qu'en fait, tant que vous allez pas les attraper par le col, par le col, mais ils s'en foutent. Vous pouvez pisser dans un violon pendant, ils s'en fichent, hein, ils s'en fichent, ils en ont rien à foutre. Hein. Tant que c'est pas leur gamine à eux qui se font violer, ils s'en battent les reins. Donc Et puis il y a vraiment une vraie stupidité hein, du gauchiste, une vraie naïveté là. La mère du pote dont je parle, quand il lui a parlé de cette histoire de viol, elle lui a quand même dit: ah non mais c'était quand même plus sûr quand il y avait les gitans à côté de l'arrêt de tram, hein, parce qu'au moins les gens ils se faisaient pas violer, hein. Non, il y avait juste des gitans qui collaient des mains au cul des gonzesses, bon pff, voilà quoi. Ça va. En même temps, bon, là, les gonzesses là, qui réclament toujours plus de diversité, là, elles expérimentent. C'est bien. Elles font quoi, les gonzesses? Elles sont pas en mode hashtag MeToo, lutte contre le patriarcat blanc? Non, c'est... Je sais pas. Elles voient toujours pas de problème, quoi. Je sais pas si t'as toujours des contacts sur place, Hotman. Là, il faudrait voir, parce que c'est quel type de fac, qui passe par où, etc. Mais ouais, ça serait... Ouais, je demanderai un compte rendu à mon ami qui est encore dans cette fac. Pour en savoir plus. Rubrique numéro 2, les amis, le sale bougnoul de la semaine. Ça fait ton sur ton, vous allez voir, on est raccord. Alors, ça implique aussi les juges rouges, qu'on aime beaucoup. Hein. La justice a considéré que les propos, aussi outranciers soient-ils, je cite, d'un groupe de rap, hein, participent à un débat d'intérêt général. Alors là, je vais vous donner quand même le média qui nous parle de ça. C'est Le Parisien. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Alors, il était accusé par une association de propos anti-français de souche. Condamné au civil en janvier, le rappeur Saïdou a finalement été blanchi mardi par la cour de cassation. Saïdou, de son vrai nom Saïd Zougag, et le sociologue Saïd Bouamama avaient conjointement publié en 2010 un livre et un CD au titre commun « Nique la France », initiative née de leur mécontentement, ils étaient mécontents, face au climat de l'époque, symbolisé par l'existence entre 2007 et 2010 du ministère de l'Identité nationale. Donc vous l'avez remarqué que Saïd et Saïd était mécontent du ministère en question. L'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne, la GRIF, avait engagé des poursuites contre de nombreux passages de la chanson pour injures à caractère racial et provocation à la discrimination envers les Français de souche. Ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles, je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants, disait notamment la chanson. Les poursuites avaient d'abord échoué, le tribunal correctionnel de Paris, comme la cour d'appel, jugeant que les Français de souche ne constituent pas un groupe de personnes au sens de la loi. Captain pourra nous en parler peut-être, mais la cour de cassation, saisie par la griffe, avait estimé en 2017 que les propos poursuivis désignent, à travers les références aux symboles de la République, les personnes appartenant à la nation française. Le rappeur avait donc été rejugé au civil uniquement devant la cour d'appel de Lyon. Celle-ci l'avait condamné en janvier à 1 euro hein, de dommages et intérêts, ainsi qu'à payer des frais de justice à la GRIF. Il avait formé un pourvoi en cassation, c'est cette condamnation que la cour de cassation a annulée mardi, sans ordonner la tenue d'un nouveau procès. Les hauts magistrats, ils sont très très hauts les magistrats, ont notamment estimé que les propos outranciers, injustes ou vulgaires entendent dénoncer le racisme prêté à la société française qu'elle aurait hérité de son passé colonialiste et s'inscrivent à ce titre dans le contexte d'un débat d'intérêt général et qu'il n'excède pas les limites de la liberté d'expression. Donc nique la France, c'est de l'ordre du débat d'intérêt général, niquer les Français aussi. Voilà, je suis très content de voir que la liberté d'expression est très très très jalousement gardée par ces magistrats qui ont toujours hein, fait rempart de leur corps contre les tentatives de bâillonner ceux qui veulent dire des choses en France. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès de faire croire hein, à cette stupidité d'un racisme anti-blanc qui, disons-le, n'existe pas. Moi, j'ai une question. J'ai pas la réponse peut-être, mais pose la question. Je sais pas, mais est-ce que j'ai le droit de dire nique les juifs pour faire avancer le débat en France? Ah non, c'est un peuple, tu peux pas. Ah, c'est, alors ça veut dire que les Français de souche, les Blancs, ça n'existe, c'est pas un peuple, ça n'existe pas quoi. Non, c'est un concept. Ce sont des migrants. Non, bah, et même dire nique l'Algérie, tu... c'est du racisme. Ah oui, non, bah non, non, ouais. Nique l'Algérie. Bah non, rendez-vous compte avec le passé colonialiste. Non, non, non, on peut pas dire nique l'Algérie. Ouais, ouais. Non, mais nique la France, c'est pas pareil, c'est une critique sociologique. Voilà, enfin. Pas besoin d'expliquer quand même non plus là-dessus, non? Ouais, puis peut-être que ceux qui critiquent Marianne, c'est peut-être qu'ils ont envie du retour du roi. Hein. C'est peut-être des nostalgiques. Ah, des monarchistes. Tiens, c'est bizarre ça, ils ont pas fait attention à ça. C'est bizarre, hein. Curieux. Bon, bah, du coup, Français de souche, bah. Bon, alors c'est vrai que les Français sont de toute façon écœurants et méritent de mourir, mais. Ça va quand même mieux en disant qu'on peut le dire, quoi. Moi, je suis content. Alors, du coup, nique Israël, est-ce que c'est bon? Ah, non, non, non, non plus. Non? Ah, toujours pas, hein, toujours pas. Oh putain, merde. Oh, c'est compliqué, on sait plus trop. Hein. Donc, nique la France, c'est bon en France, mais nique Israël, c'est pas bon en France, et nique l'Algérie, très peu de chance aussi de passer. Bah, écoutez. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon, ce qui est marrant quand même, c'est que tu as ce type-là qui appelle à niquer le pays. Hein, voilà, tranquillou. Voilà, oui, voilà. Et alors ça, mais il est français. Oui, français, et les Français qui sont dedans, en tant que attendez, attendez, attendez, je vous propose quand même d'écouter un extrait pour que les gens sachent de quoi on parle. Voilà. Oui, je vous diffuse un petit extrait. Vous allez beaucoup apprécier et on se retrouve. Zep, zone d'expression populaire. Featuring Busta Robert, MC Jean-Pierre, 2010. C'est du lourd, gros. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé. Maintenant c'est formel, ça y est c'est confirmé, par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bilochons décomplexés, carte blanche pour les gros bofs qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate républicain, ton pays est puant, raciste et assassin, tes lumières, tes droits de l'homme soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche, tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Ni la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Ni la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Voilà, nous revoilà. Derek, reprends la parole. Oui, donc vous avez entendu un petit peu là de ce dont il s'agissait. Ça, donc, dire nique la France en chanson et compagnie, ça n'est pas un trouble à l'ordre public. Par contre, un site internet qui fait des articles qui ne plaisent pas aux juifs, c'est un trouble à l'ordre public. Ouais, et ça, il faut interdire. Là, vous voyez, la liberté d'expression, c'est subtil. C'est subtil. Alors, précisons que Saïd Bouamama est un sale bougneux, oui. Oui, ça c'est un fait. Physiquement en plus. Mais oui. le bonhomme est un des intellectuels des indigènes de la République. Ouais, sociologue. C'est pas le mari de Bouddha. Ah oui. Je crois pas, non, il y a trop une différence d'âge là-dessus. Bon, tu sais ça. Oui, non, mais je sais bien. Non, mais je sais bien, mais bon, je veux dire, je ne pense pas. Bon, sous couvert de. Mais bon. Par contre, c'est donc. Mais le type est fanatiquement. Enfin, lui, il est. C'est un théoricien de la guerre raciale, hein, Bouamama. Alors, avec toujours le verbiage trotsko-communard. Parce qu'en fait, ils sont pas du tout originaux. Hein. Ils inventent rien, en fait. Hein. Ils reprennent simplement ce qui les intéresse. Phraséologie. Comment dirais-je, anticolonialiste, sartrienne, enfin toute cette merde-là, ils reprennent les éléments qui t'intéressent, quoi, pour rebricoler un truc, mais qui est simplement un laissez-passer pour tuer des Blancs, hein, c'est uniquement ça, quoi. Et donc, voilà, bah, d'ailleurs, d'où la thématique des indigènes de la République, c'est les mecs prétendent être des indigènes en France, enfin, ce qui est quand même un peu fort de café, mais... Tout va bien. C'est Saïd Bouamama, hein. Donc c'est lui avec son pote Bougnoul, donc qui ont allègrement dégueulé sur. Alors ils disent la France. On ne sait jamais bien s'ils dégueulent sur l'État. Enfin, nous on le sait, mais ils jouent toujours sur la confusion. Je dégueule sur l'État français, l'autorité, la société, machin, et les gens en fait, les Français de souche. Mais c'est très clair que c'est contre les Français, bien sûr, les Français au sens racial du terme. Alors bon. Évidemment, ouais. Au sens administratif, les Français, c'est tout le monde est des Français là. Mais on s'entend, les distinctions continuent d'exister, indépendamment du fait que vous ayez ou non une carte d'identité française ou un passeport français. Et si vous appelez Jean Dupont, eh bien, que cela vous plaise ou pas, vous continuerez à vous faire ingonir d'injures et de menaces par vos compatriotes, comme Saïd Bouamama, qui est français, comme vous et moi, précisons-le. En tout cas, cette histoire me redonne confiance des liens envers la justice française. Je viens de dire. Alors, Alexis. Ouais, alors tu parles du lien qui existe entre les rap des immigrés et puis l'extrême gauche trotskiste, hein, une sorte de vague fond culturel. Alors il y en a un qui est au cœur de tout ça, c'est Besancenot, qui a fait plusieurs rap. Récemment, il a fait un rap de très très bon goût, mais il y a une dizaine d'années déjà, il avait fait avec Monsieur R un rap fameux dans lequel il dit « La France, tu la baisses comme une salope ». Enfin, c'est Monsieur R qui avait dit ça, mais validé bien sûr par Besancenot. Et puis Besancenot s'était fait prendre en photo aussi avec Joestar. Donc voilà, l'extrême gauche qui vous veut du bien. Bah c'est typique, hein. Il y avait déjà eu dans le même truc la députée Danielle Obono qui avait dit que parce qu'en fait il y avait une chanson, c'était la chanson Nique la France. Je sais pas si on parle la même parce que c'est celle-là, oui. Qui est, donc elle avait dit quand même sur le plateau, elle, donc ça faisait un peu tâche. Pour dire que finalement elle était contre l'interdiction de la chanson parce que elle respectait la liberté d'expression. Voilà. Ouais, enfin elle est pour la liberté d'expression, mais quand il s'agit de dissoudre les groupes identitaires parce qu'ils disent des choses mais entre guillemets méchantes, là elle part billet en tête pour interdire les groupes. Hein. Oui, bah de toute façon, je pense que beaucoup de Français ont vu la limite de la liberté d'expression, bah, grâce à la démocratie participative, ou même peut-être de manière plus générale, un peu grâce à Dieudonné, il y a une liberté d'expression peut-être qui est plus politiquement correcte qu'une autre. Bah non, c'est simple. Non, c'est sur un principe très simple, c'est que la liberté d'expression est définie en fonction de la race. Donc si vous êtes juif, vous avez une très large liberté d'expression, si vous êtes un blanc... Bah, ça se réduit inexorablement. Si vous êtes un sale nègre, ça a tendance à s'élargir, à la condition bien évidemment de ne pas porter ombrage à la première catégorie dont j'ai parlé, confère la jurisprudence de Dieudonné, etc., etc. Donc c'est toute une science, hein, maintenant la liberté d'expression en France. Hein. Mais globalement, voilà où on en est. Voilà. Enfin bon, de toute façon, laisser parler des blancs, ça sert à rien dans un pays blanc. On est bien d'accord. Bien sûr, oui. Ben voilà, tout ça. Bon, voilà. Alors, mes petits amis, passons à la rubrique suivante. Hein ? Oui. Rubrique numéro 3. Il faut le dire. Le Shabbat Goy de la semaine, c'est Damien Rieux. Damien Rieux. Eh oui, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que le crime est avéré. Le crime est avéré et il y a des limites quand même à... Il y a des limites à tout, quoi. Alors, c'est Damien Rieux qui rend hommage à Cyril Hanouna, hein, qui donc... Ça pourrait être un titre du Gorafi, hein, mais non, c'est ouais, la réalité. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, en plus. Non, mais je veux dire, bon, on peut passer quand même beaucoup de choses, mais là, c'est quand même très très fort de café. Alors, je vais lire quand même, pour pas qu'on... Pour qu'en plus qu'on nous accuse... De quoi ? En plus, on a les captures d'écran. Alors, c'est pas nous qui faisons des captures d'écran. Hein. Il y a des gens qui viennent gueuler en nous donnant les captures d'écran. Je suis passé. Désolé, c'est la réalité. Hein. Les gens crisent et ils viennent dire « Mais qu'est-ce qui se passe et tout ? S'il vous plaît, parlez-en. » Ok, bon. Alors, je vous livre le tweet de Damien Rieux, posté le 15 décembre 2018. Je vais pas donner l'heure parce qu'en fait ça correspond peut-être pas, ça dépend où on se trouve et comment sont les réglages, je connais même pas mes réglages d'ailleurs, ou celui qui l'a fait. Alors, on critique beaucoup Cyril Hanouna, mais il réussit à parler synergologie. Donc ça, c'est les expressions faciales, etc. La communication non verbale. La communication non verbale, voilà, à 12h30, voilà. Fait des débats de société sans élitisme. Évoque des sujets tabous dans le reste du paysage médiatique. Pas si mal, non ? Point d'interrogation, balance ton poste. Ouais. Moi, je m'arrête tout de suite, moi. Damien, t'as encore un peu de foutre, là, au coin de la bouche. Non, mais c'est même pas ça. J'en parlais tout à l'heure avec l'ami Gandalf. C'est que les identitaires se sont mangés une grosse crise sur la région lilloise. On va pas trop en dire plus parce que bon, c'est pas non plus la peine. Bah non, mais parle un peu quand même, que les gens savent de quoi il s'agit. Bah, ils se sont fait niquer par Al Jazeera. Al Jazeera. Donc les frères musulmans. Angleterre, ouais, la chaîne. Le Qatar. La chaîne Qatari, donc infiltrée par un journaliste gauchiste français. Qui est arrivé là, il est rentré comme dans du beurre avec caméra cachée, etc., etc. Et bon, mais propos de bar, hein, je vous laisse imaginer la teneur. Oui, non, mais c'est tout à fait normal. Enfin, ils n'ont pas dit non plus des choses extraordinaires, mais non, bien sûr. Mais disons que des types tout à fait sympathiques. Hein. Je sais pas s'ils nous écoutent, mais moi, j'ai une seule envie, c'est de boire un coup avec eux. Hein. Oui, non, mais... Non, c'est de les inviter dans Démocratie Participative. Non, mais bon, à un certain moment, ils picolaient quand même beaucoup. Bon, tu me diras, ça nous est arrivé. Oui, non, mais tout le monde picole beaucoup en soirée, bon, c'est... Oui, enfin, peu importe, bon, on va pas... Non, mais je m'arrête là-dessus, mais... dire, ça n'a pas de caractère politique en soi. Des gens de toutes les tendances politiques, des gens qui n'ont pas de tendances politiques, vont en soirée, s'amusent entre potes, bien sûr, ils racontent des trucs. Voilà. Et donc là ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une fouine qui était là, quoi. Le type, il est arrivé... Et il a pu parler à tout le monde, filmer tout ça. Enfin bon, c'est assez, ouais. assez costaud. Et bon, bah, du coup, les types. Non, mais type de discours, qu'est-ce qu'on entend comme sortie? Enfin, moi, ça va. Bon ici, évidemment, ça nous va très bien. Mais qu'est-ce qui aurait pu choquer le bourgeois dans ce qui a été dit? Bah, ce qui a choqué, il y a un moment, il y a un type qui dit 6 mois. On me diagnostique un cancer, une mort inéluctable, j'ai pas à me laisser mourir tout seul. Tu vois, il dit ça, et dit, voilà quoi, je rentre sur un marché, et éventuellement, je fais un coup à la Breivik. Il dit ça. Mais, alors, si tu veux, c'est dit dans... en fait, le bar, si tu veux, n'a pas une... La citadelle n'a pas une devanture ouverte. Donc quand tu vas fumer une clope à l'extérieur, t'es pas dans la rue. C'est un espace qui est clos. Et effectivement, si tu veux, ils sont vraiment dans le bar. Ils sont pas dans la rue. Il doit être tard. Les mecs sont certainement bourrés. Enfin, c'est des propos comme t'en as en fin de soirée. Et si tu veux dire ça. Dire que si jamais tu devras passer l'arme à gauche, tu vas faire un coup à la Breivik, bah tu te doutes bien que les Qataris, quand ils ont vu ça, pour eux c'était du caviar. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont une expertise en matière de type désespéré et camé qui vont se faire sauter. Non, enfin je dis ça comme ça, mais c'est... Voilà, ils ont... Bon, bah, la question, en fait, la question simplement de savoir, d'un point de vue légal, hein, si c'est une asso en fait à caractère public ou non, parce que si c'est pas public, c'est privé. Les propos qui sont tenus à l'intérieur, normalement, ça ne concerne que, tu vois, même si c'est fuité. C'est pas une histoire de, c'est pas bon, c'est, la légalité c'est une chose, mais c'est surtout le par rapport à l'image que ça donne. Et donc, je crois savoir qu'en gros tout le monde était plus ou moins viré, que le truc a été dissous. Je sais pas mais trop. Mais le problème de génération identitaire, ça a toujours été l'image de toute façon. Ils sont très forts pour faire des coups. Il y a pas de problème. D'ailleurs, ils font des coups médiatiques très bons au détriment de leurs militants. Qui sont quand même plus ou moins au courant de ce qu'ils risquent et qu'ils le font en leur âme et conscience, ce qu'on ne peut que l'applaudir. En revanche, bon, à un moment, il faut juste être réaliste, quoi. t'es blanc, t'as pas envie que ton pays soit enseveli sous des milliards de nègres, ou de bougnoules, ou autre chose, de facto, t'es le méchant, quoi. Donc après, t'as plusieurs réactions face à ça. C'est soit tu l'assumes, comme on le fait ADP, soit tu contre-attaques en disant « Non, les méchants, c'est vous, parce que si », mais la position intermédiaire des identitaires en mode on dit rien sur les youtres parce qu'on n'a pas envie de trop se faire taper dessus, on n'a pas envie de passer pour les vrais méchants et tout, bon, à un moment, arrêtez les gars, quoi. Bah, non, mais bon, à la limite, si tu veux qu'ils n'en parlent pas, peu importe. Mais là, si tu... donc j'ai parlé de cette affaire-là, parce que Damien Rieu, quelques jours après ça... Qu'est-ce qu'il trouve de bien à faire? Oui. Il va voir le marabout, tu vois. Alors lui, son marabout, c'est il va sur Twitter. Et puis. J'en ai le rabbin, moi, mais. Ouais, il dit un truc, oui, il va voir le rabbin, et puis il dit du bien des juifs, tu vois. Il se met par terre, et puis il prend un nouna, tu vois, c'est une grenouille luisante, et puis il lui fout un coup de langue dessus. Comme ça, il va attraper le pouvoir magique du juif, qui va lui apporter le baraka, je sais trop quoi. Enfin, ça me fait. C'est de la judéomanie de haut niveau, hein. Judéomanie de haut niveau. Aucun dirait la judéo. Ouais, non, qui est pas forcément partagée par les mecs, par les identitaires. Pas du tout. C'est complètement hostile à ça. Ouais, non, mais le truc surtout, tout le monde c'est déteste que bon, le front est quand même en train de sucer les youtres, hein. Hein, le nouveau FNJ n'est pas celui de la jeunesse, hein, faut le rappeler, et qu'il y a quand même, en fait, la jeune garde de qualité qui peut être au front et qui risque de prendre les places, elle est pas forcément judéophile. Donc même si le tournant est récent, le front, ça les inquiète beaucoup, ça, à mon avis. Parce qu'il y a quand même deux trois mecs qui bossent pour le parti, quoi, parmi les mecs de Génération Identitaire. Ah bah non, mais enfin, jadis c'était pas ça, mais aujourd'hui Génération Identitaire, c'est une antenne du Front National. Enfin, pour ceux qui le savent pas, quoi, c'est une association du Front National. Pendant très longtemps, ils ont été très hostiles les uns aux autres. Je me rappelle des propos enflammés de Philippe Vardon, Fabrice Robert et d'autres, Guillaume Luit contre le Front National et sa dérive, républicaine cosmopolite ou nationale cosmopolite, je ne sais plus comment c'était formulé. Et tout ça, c'est du passé. Pourquoi ? Les places. Bon, il faut parler franchement, parce qu'ici on est sur démocratie participative, on n'est pas là pour donner des leçons, mais on est là quand même pour parler un peu franchement. Il faut quand même mettre les choses sur la table, parce que d'ailleurs, elles se disent partout ailleurs, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en prive. Donc, Philippe Vardon, par exemple, qui n'est pas un méchant gars, c'est quelqu'un qui a décidé de passer à la gamelle. Bon. L'embourgeoisement, quoi. Voilà. Le schéma. Bon, garçon courageux, qui a pris des procès, qui a fait face aux Arabes, etc., à Nice, etc., mais bon, qui a quand même décidé de faire allégeance à, comment dirais-je, à l'alcoolo-tabagique de Montretout. Bogashi, hein. Bogashi, quand on pense que Unité Radicale, au départ, c'était Fabrice Robert qui faisait de la publicité pour du révisionnisme, et puis quand on voit ça maintenant, on se dit Bogashi. Et pas pareil pour Vardon, mais... qui était chaud quand même quand il avait 20 ans, et maintenant qu'il a envie de se faire une place, bon bah il s'est refroidi. Bon, comme je disais, il y aura toujours eu un problème avec la base qui, elle, ne suivra pas le mouvement. Et puis bon, même sur le long terme, stratégie à la con, hein, on le voit avec le Front National, se faire de la lèche, t'as beau faire de la lèche, tu resteras toujours la fameuse menace fasciste. Point final. C'est ça, bien sûr. Bah tu vois, ils le disent dans le documentaire, alors c'est le responsable, hein, c'est Aurélien Verhaeghen qui en parle. Il dit à l'antifa infiltré là, parce que je pense que c'est un antifa, le journaliste en question. Il lui dit, ouais, voilà, nous on est des professionnels et on n'est pas des romantiques. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, tu vois, la communication politique, puisqu'il se présente comme un professionnel de la communication politique, ça consiste pas, comme disait Derek tout à l'heure, à mettre une chemise à un polo au lieu d'un t-shirt, quoi. Tu vois, c'est pas que ça. Oui, en fait, oui. C'est-à-dire, avant l'émission, je disais que les types mettent une chemise au lieu de mettre un polo de Fred Perry, et du coup, ils se croient, ils se prennent pour des lumières. Bon, c'est un petit peu méchant, hein, mais ça décrit une certaine réalité. L'école où t'as appris à mentir, ceux qui l'ont construite, disait l'autre. Disons Soral, disait Soral. Exactement. Faut quand même ramasser ça, ce qui est assez simple. Bon, voilà. Non, les reptations devant les juifs, non. Décidément, non. Surtout quand c'est pour prétendre sauver les blancs chez eux, hein. Bah, après, ce qu'il voulait dire, je pense, t'as eu tout à fait raison sur le profil de Rieu, hein, c'est pas la question. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que effectivement, Hanouna, vu que lui, en fait, il est dans l'ère post, enfin, il est pas dans l'antiracisme traditionnel. Il a intégré, on va dire, le tournant Dieudonné. Donc effectivement, il te présente des gens qui sont pro-communautaristes, enfin pro-communautaires, et il te présente des femmes voilées, et il ose faire des débats qui étaient interdits il y a encore peu de temps dans les chaînes, on va dire, traditionnelles, républicaines. Je pense qu'il voulait dire ça. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit Hanouna est très intéressant, il fait monter le niveau, quoi. Hanouna, quoi. Non, c'est même pas ça, mais c'est que, en fait, les juifs sont obligés de céder du terrain, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très drôle, d'ailleurs, parce que Hanouna, c'est quelqu'un qui revendique. C'est très intéressant. Hanouna, c'est quelqu'un qui revendique le virage communautariste, tu l'as bien souligné. C'est quelqu'un qui va mettre en avant des femmes voilées, etc. Voilà, c'est très clair. Et qui défend en fait la ligne communautariste, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que parmi les juifs, en fait, il y a des juifs qui disent la ligne républicaine, laïque, etc. Bon, c'est bien gentil, mais c'est plus du tout opératif. Maintenant, il va falloir trianguler différemment, il va falloir manipuler ces populations différemment. Donc on va leur donner leur voile, on va leur donner leur truc et tout, puis on va être gentil avec elles, on va les caresser dans le sens du poil, quoi. Et Hanouna s'en fait le porte-parole, quoi, hein, c'est tout à fait clair. Et donc c'est très drôle, puisque finalement, quand il parle de débat de société, Damien Rieu, quand il dit, voilà, Hanouna, rendons-lui hommage, il organise des débats de société, bah quand tu regardes Cyril Hanouna organiser des débats de société, bah, en fait c'est des débats de société qui sont systématiquement en faveur des groupes ethniques et raciaux ou religieux qui veulent de toute façon s'emparer du territoire français. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent revendiquer leur voile comme une bannière, leur mosquée comme une bannière, etc. Donc qui sont dans une logique de libanisation, quoi. Et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'islam, ces intérêts juifs-là sont tout à fait partisans de ce truc-là. Parce qu'ils prennent le train en marche aussi. Et voilà, c'est ce type de débat de société que Rieu trouve intéressant. Et bah, si vous allez sur la communication officielle identitaire, ils diront exactement l'inverse. Ils vont dire, mais comment se fait-il qu'on voit des femmes voilées à la télévision chez Cyril Hanouna? Pourquoi essaye-t-il de normaliser ça, tu vois? Bon, donc voilà, non, c'est à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire laisser mythe dehors, hein, qu'ils soient juifs ou autres, point barre. Je veux dire, c'est très simple, je ne comprends pas, moi, ces faux débats à la con. Sauf, bien sûr, quand tu essayes de gratter une place. Et ce Damien Rieu, il essaye de gratter sa place. Voilà, bon, alors, FN, machin, il veut être quoi? Conseiller régional? Il veut un jour être député européen? Qu'est-ce qu'ils vont... Sans intérêt, anecdotique, voilà, et jamais en faveur des Blancs, jamais en faveur des Français de souche. Enfin, je dis pas que tout ce qu'il a fait dans sa vie n'est pas en faveur des Français de souche, c'est pas ce que je suis en train d'expliquer, mais ce type de position, en fait, toxique, c'est toxique. Et en fait, même si tu fais des trucs bien à côté, bah tu pourris tout le reste. Voilà, c'est très simple, hein, vous savez. Hein. Je veux dire, je vous présente une boîte de sardines. Si je mets une goutte de pisse dedans, est-ce que vous la bouffez? Vous pouvez me dire 99% de la sardine, elle est bonne. Hein, mais bon, il y a quand même une goutte de pisse dedans. Donc, est-ce que vous en prenez ou est-ce que vous en prenez pas? Voilà, c'est du même ordre, quoi. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou bien on fait une pause musicale? Caca. On fait une pause musicale. Pause musicale, les amis, on se retrouve. Thank you. Alors les petits gars, on va parler une nouvelle fois de notre mouvement, les Gilets jaunes. C'est notre mouvement à nous, je le répète, je le martèle, j'insiste, c'est notre mouvement à nous, c'est le mouvement du peuple. Alors, vous avez vu bien évidemment le traitement médiatique, la mobilisation, tout ce qui en a été dit ce week-end, la narration qui est poussée à toute force par le gouvernement et les médias juifs. On va y revenir dans le détail. Deux choses pour commencer, c'est le bilan sur la mobilisation, en deux volets, sur Paris d'abord et en région ensuite. Il faut vraiment opérer un distinguo. Je ne vais pas prendre la parole là-dessus pour le moment, je vais vous donner la parole. Sur Paris d'abord, qu'est-ce que vous voulez dire de cette... alors d'abord, cinquième semaine de mobilisation. Compte tenu des chiffres, on peut d'ores et déjà dire qu'on est sur les mêmes chiffres de mobilisation que la semaine dernière. N'écoutez pas ce que raconte le gouvernement français, ça va sans dire, enfin français entre guillemets, ça va sans dire, ni les grands médias. Vous pouvez observer sur Twitter, les réseaux sociaux, etc., les rapports de presse ici ou là, vous pouvez voir qu'on est globalement sur les mêmes niveaux de mobilisation, donc plusieurs centaines de milliers de gens sur le terrain. Par contre, Paris, c'est différent. Alors là, je vous donne la parole. Qui veut la prendre sur Paris pour brièvement, enfin, nous dire quoi, ce qui s'est passé sur Paris pour la deuxième semaine. Sinon, moi, je la prends. Hein, mais ouais, bah, je vois ce qui, enfin, ce qu'il y a eu, c'est que les axes ont été bloqués, quoi. Hein, des cars ont été empêchés de rentrer. Les trains, les gens ont été fouillés. Avant d'entrer dans le train, donc des gens se sont fait encore dégager, bon ça avait eu lieu la dernière fois, et puis il y a peut-être aussi le fait que, bon, sachant cela, certains n'y sont pas, ils sont moins montés, hein. Ça a peut-être été plus les gens de la région. Hein, Il faut parler aussi de la violence systématique, enfin du recours à la force systématique extrêmement brutale de la part de la police, qui a été fait pour dissuader les gens d'arriver aussi, hein. Oui, c'est ça. Oui, une fois sur place, oui, les violences de la semaine dernière, c'est sûr. Mais bon, malgré cela, ils ont quand même arrêté des gens pour qu'ils viennent pas. Hein. Alors, oui, il faut préciser ça. Il faut préciser ça. C'est-à-dire que la semaine dernière, parce qu'on voit un truc complètement nouveau se matérialiser devant nous, c'est que jusqu'à présent, il y avait ce qu'on appelait les interdictions de manifestation. Donc, une préfecture interdisait une manifestation. Les gens qui arrivaient pour manifester étaient, pour certains, arrêtés, placés en garde à vue. C'est comme ça que ça se passait la plupart du temps. Bon. Là, autorisation, pas autorisation, les gens n'ont plus rien à foutre. Les Français n'en ont rien à foutre. D'accord ? J'ai envie de vous donner cette image, mais quand on a envie de faire la révolution, on ne demande pas l'autorisation à la préfecture. Ça tombe sous le sens. Hein. Et du coup, bah, en fait, ils se sont rendus compte que autorisation ou pas autorisation, ça ne changeait rien. Donc ils ont lancé... Enfin, ils ont innové au niveau de la préfecture de police de Paris, et maintenant, en fait, il y a l'interdiction de mouvement. Ce qui est complètement inconstitutionnel. Personne ne le souligne, évidemment pas les grands médias. Mais nous sommes face à une interdiction de mouvement de la population. Normalement, vous avez, c'est constitutionnel, bon, on sait ce que c'est ça vaut. Ils appellent un changement de la doctrine sécuritaire. Voilà, c'est ça. Ah, bon. C'est bien dit comme ça. Hein. C'est beau, voilà, hein. c'est ça, fait, ça fait très intellectuel, en plus. Ouais, c'est quand les juifs décident où tu peux aller, où tu peux pas aller, en fait. Voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, littéralement, on vous empêche d'aller d'un point A à un point B. Voilà. Les juifs disent, non, non, vous pouvez pas aller là. Alors, 40 stations de métro fermées, premièrement. Donc déjà, aller dans le centre de Paris, d'accord, mais c'est à pied. C'est pas en métro, j'arrive, le point... Non, non, oubliez ça, c'est... 40 stations de métro fermées sur les deux rives. Ensuite, les trains qui sont arrêtés, comme la semaine dernière, dans les gares de départ ou d'arrivée. Les gares de la capitale française qui sont sous garde extrêmement lourde de tous les services de sécurité, police, gendarmerie, soldats, etc. Et tous les checkpoints, machin. Les autoroutes qui donnent accès à l'intérieur de la capitale française. On m'a parlé d'arrêts, je ne vais pas dire systématiques, mais d'arrêts qu'on a remarqués, qu'on a observés, avec des blocs de béton qui ont parfois été déployés, et même ensuite dans la capitale. Des gens qui vont se stationner, qui se font arrêter, sur la base d'un gilet jaune dans, dans le véhicule, etc. Allez hop, tout le monde en garde à vue. Donc en fait, si vous voulez, ce qui se passe en France aujourd'hui et à Paris, c'est que vous êtes physiquement empêché par le gouvernement d'aller et venir comme c'est votre droit, normalement, au regard de la Constitution, dans votre propre pays. Donc les Juifs ont décrété que vous ne pouvez pas aller où vous voulez en France. Voilà. C'est une rupture complète avec ce qui existait auparavant. Avant, comme je l'ai dit, il y avait l'interdiction de manifester, ça c'est autre chose. Donc maintenant, vous ne pouvez plus y aller. En fait, c'est l'état d'urgence sans l'état d'urgence. Voilà, c'est ça. Et pas de motivation légale ou quoi que ce soit. Ils s'en foutent, hein. C'est l'état a décidé que... Bon. Et du coup, bah oui, sur les Champs-Élysées, vous avez personne. Mais c'est pas parce que les gens veulent pas venir. Il faut s'entendre. Au contraire, il y a des dizaines et des dizaines de milliers, si c'est pas 100 000 ou plus de Français qui veulent aller à Paris. Et c'est pas le problème. Les gens veulent y aller. Mais ils peuvent pas. C'est tout. Physiquement, ils peuvent pas y aller. Il y a des flics au checkpoint. Les autoroutes sont stoppées. Il y a des gardes à vue au cas où. Alors, moins massif que la dernière fois, parce qu'en fait, les gens ont tiré la conclusion. La semaine dernière, ils ont compris. Si je vais à Paris, je vais me faire arrêter. Il y a eu 2000 arrestations, des milliers d'arrestations, garde à vue, blabla, des flashballs dans les têtes, etc. Bah, les gens ne sont pas fous. Ils ne vont pas aller sur les Champs-Élysées, si jamais ils y arrivaient par miracle, se faire tirer des balles de flashball ou des lacrymos à base de TNT dans la tête. Enfin, je veux dire, les gens ne sont pas suicidaires, quoi. Je veux dire, ils se disent, ah d'accord, ok, on peut plus y aller, en fait. C'est une ville en état de siège. Donc c'est ça qu'il faut expliquer. Parce que quand vous regardez les grands médias, LCI, BFM TV, CNews, ils vous disent pas ça du tout. Hein. Là, on voit le mensonge juif à l'œuvre. Hein. On vous dit, il y a une démobilisation. D'accord ? C'est vrai que quand tu as un cordon de CRS qui te tire au flashball dans la gueule, la fréquentation a tendance à baisser. C'est un fait. Bon. Donc déjà, si vous voulez, dans l'interprétation de ce qui se passe à Paris, il faut absolument souligner ça. Hein. Parce que les gens, beaucoup de gens, parce que le pouvoir juif est extrêmement vicieux, ils se disent les cons de Gaulois, attardés dans leur campagne à la con, ils vont allumer leur écran BFM TV, ils vont voir 100 gilets jaunes sur les Champs-Élysées entourés par 200 flics, le bandeau en dessous, très forte décrue ou démobilisation en masse. C'est déjà ce qu'ils avaient fait pour la semaine dernière. Quoi, quand ils avaient... C'est un ouais. Mouvement qui ça fait depuis un mois qu'il est en démobilisation constante. Voilà. Non mais alors, en plus il est en démobilisation constante d'un truc qui n'existe, qui au départ il y avait personne en fait. Hein. Il disait voilà. Ouais, non mais il y a personne. Mais la semaine d'après il y avait encore moins de personnes que personne. Voilà. C'est l'inverse de l'antisémitisme en fait. Les chiffres augmentent tous les ans. Là en fait c'est l'inverse. Oui c'est bizarre. D'ailleurs, Macron avait parlé sur son porte-avions, on en a parlé la dernière fois, d'un mouvement qui n'existait pas encore, pour le coup, c'était vrai, oui. matériellement dans le temps, puisqu'il avait parlé en amont de la manifestation du 17 novembre, et il était déjà... Enfin, visiblement, le type s'attendait à quelque chose, puisqu'il parlait du porte-avions, je sais pas, il aurait pu parler, de la mairie d'ici les Moulineaux, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça, mais non, il avait choisi le porte-avions, le char de Gaulle, nucléaire, quand même, hein. Et bon, il a commencé comme ça sur les chapeaux de roue, et depuis... Donc pour parler à un mouvement qui n'existe pas et qui est en démobilisation constante, d'ailleurs il a pris la parole cette semaine, mais on va y revenir, pour parler à un mouvement qui n'existe pas et qui se démobilise, pour promettre des trucs qui effectivement n'existent pas. Qui d'autre sur Paris toujours ? Uniquement Paris là. C'est en fait... Alors ça peut paraître très terre à terre, vas-y, préciser. Je sais, ça peut paraître dérisoire, mais dans toutes les manifs qu'il y a eu généralement sur Paris... Il y a eu des éléments qui ont démobilisé donc effectivement la violence de la police envers les manifestants. Et aussi la météo, je sais que ça peut paraître très con, mais la météo était extrêmement défavorable. Le froid et la pluie, et malgré ça, les gens sont quand même venus. Il faut quand même le préciser. Il y a eu quelques milliers de mecs. Alors là aussi, il faut souligner ça pour les gens qui nous écoutent, qui vont le répercuter autour d'eux. C'est-à-dire que c'est quand même fascinant. C'est un mouvement, ils disent, il n'y a que quelques milliers de mecs qui viennent. Donc en fait, effectivement, en termes parisiens, 2000 mecs qui viennent sur Paris... Bah, c'est rien du tout, quoi. Bon. Mais ça, c'est comme s'ils venaient d'eux-mêmes sans entrave. Hein. On est bien d'accord. On a expliqué que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon. Et ils disent, mais pourquoi parler tellement d'un mouvement qui rassemble 2000 personnes dans Paris ? Question. Et en fait, si vous regardez, quand ils ont une opportunité de se rassembler quelque part, pour le coup, à l'opéra, en fait, vous n'avez pas 2000 personnes, vous avez 4000 personnes, et immédiatement, les flics se mettent à gazer. Enfin, ça va vite, hein, je veux dire, dès qu'il y a 4000 personnes quelque part, ça gaze, quoi. C'est-à-dire, les mecs, on ne sait même pas comment ils sont arrivés là, en fait. Hein. Ils ont réussi à atteindre l'opéra. C'est parti, quoi. Ils se font gazer comme des chiens, et barrez-vous, quoi. C'est fascinant, quand même, la France, hein, la France juive, hein, c'est-à-dire, le peuple français n'a plus aucune... c'est toujours ce que j'ai dit, hein. Les libertés fondamentales en France, liberté d'expression, de rassemblement, j'avais parlé de l'affaire, notamment on en avait parlé entre nous avec l'affaire Méric, récemment, avec la condamnation malheureuse de notre camarade à l'occasion de ce procès. On avait expliqué, en gros, hein, que les libertés publiques avaient été suspendues par le pouvoir juif, quoi, hein. Liberté d'association, liberté d'expression, etc. Et la liberté de manifestation, je l'avais dit aussi, est très sévèrement entravée au nom de troubles à l'ordre public. Mais là, maintenant, on a passé un cap. Et j'y insiste, c'est qu'on n'est plus dans l'interdiction d'un rassemblement a priori, et ceux qui se pointent, on va les interpeller. Maintenant, c'est l'interdiction de se déplacer vers le rassemblement prévu. Donc les Français sont interdits, de manière totalement inconstitutionnelle, de se déplacer dans leur propre pays pour complaire aux Juifs. Qui veut parler de ça avant qu'on passe sur le bilan en région ? Peut-être juste sur Paris encore. Faut bien remarquer que même quand les flics décident de se mobiliser à fond sur les Champs-Élysées, on a quand même gagné d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'ils ont mobilisé des moyens énormes que tu as mentionnés. En fait, la capitale, elle ne vit plus pendant une journée, donc un samedi, où commercialement parlant, c'est extrêmement important pour toute l'activité d'être à fond parce que c'est bientôt Noël, etc. et les gens achètent. Donc même dans ce cas-là, ils essayent de faire taire et ils y arrivent quelque part d'une certaine manière un petit peu sur Paris. Mais à quel prix, quoi ? Ils ont quand même perdu. Ah, ils parlent un pognon monstre. Ils parlent un pognon monstre. Un pognon de dingue, j'ai même envie de dire. Ouais, un pognon de dingue. Ouais, puis ils sont obligés de mettre des protections sur les vitres, etc. Des trucs, bon... D'ailleurs, c'est bon. Les fois précédentes, ça s'était fait arracher. Mais bon, là, il y avait, semble-t-il, moins de monde. Mais ouais, Paris, c'est très bien. Parce que Sodome sur Seine... soit impacté est une très bonne chose. Voilà, quand les gueux montent sur la capitale pour la bloquer, j'applaudis des deux mains et des deux pieds. En fait, tous les efforts, enfin les efforts que Macron a fait pour avoir un semblant de croissance de quelques dixièmes de points ont été ruinés. c'est ça. Il a voulu faire des réformes pour te faire mais vraiment de la croissance ridicule et il a tout perdu, quoi. Donc là il est j'ai entendu dire que Wolfgang Schäuble a dit Macron capoute. Donc c'est mal barré pour lui. Alors Schäuble qui est l'ancien ministre des Finances allemand, hein. Préciser. Oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, c'est ça. Oui, il a dit game over, c'est ça. Macron, game over. Terminé, Macron. Donc c'est dommage, hein, 18 mois de présidence, c'est fini. Genre, et c'est le grand argentier allemand qui parle. Enfin, il n'est plus en fonction. Mais quand il parle comme ça, évidemment, il ne parle pas uniquement pour l'Allemagne. Il parle pour la finance en général. Et le problème qu'ils avaient, c'est que c'était l'homme de la finance, Macron. C'était l'homme de la finance. Et il a prouvé à la finance... exactement l'inverse de ce qu'il devait prouver, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'homme de la situation, c'est pas lui qui va tenir en respect la plèbe goy, en fait. Hein, la plèbe arienne ne va pas fermer sa gueule. Il paye aussi pour les autres, hein, évidemment, pour les Chirac, les Sarko, les Hollande, qui n'ont rien fait, qui ont laissé le chômage augmenter, le déficit et compagnie. Macron, il est très très arrogant, on en a parlé plusieurs fois en détail. Il méprise le peuple, mais il paye aussi, évidemment, les conneries des autres. Mais volontairement, attention, il ne faut pas le dédouaner. Il est candidat à la présidence. C'est pas quelqu'un qui s'est du tout détaché de l'héritage qu'il a eu. Hein. Et puis surtout sa politique. Sa politique est dans la continuité de ce qui a été fait avant. Donc, c'est pas comme s'il s'inscrivait en faux, s'il s'opposait à ce qui avait été fait précédemment. Au contraire, il disait clairement qu'il allait faire la même chose, mais en pire. Donc plus de migrants, plus d'impôts. Bon, bah là, il est en naufrage complet, ça c'est sûr. Mais on va y revenir. Donc, on va pas s'attarder tout de suite là-dessus. Mais oui, il est en naufrage complet. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de la mobilisation en région? Bah oui. Allons-y. Donc, le discours officiel, c'est qu'il y a une démobilisation. Hein. Le Castaner, évidemment. Ça fait 3 semaines que ça se démobilise. Oui. Et bon, on voit les images. Avignon, forte mobilisation. Bordeaux, Toulouse. On va revenir dans le détail des différentes mobilisations. Il y a Besançon, etc. C'est partout. Brest, etc. Plein de villes, les villes de 50 000 habitants, t'as plein de trucs. Voilà. Je prends mon cas, je vais pas dire où je suis, mais bon, à l'accent, vous comprenez à peu près. Ça augmente. Hein, le campement lui-même des Gilets jaunes est encore plus gros. Ils ont mis des banderoles partout. Et là, ils mettent bien en avant le truc du référendum. C'est pour une vraie démocratie participative. C'est très important. C'est très bien. Très important. Très important. Et cette histoire de référendum, c'est très bien. Hein, parce que bon, Ça met tout le monde d'accord. Exactement, il faut se rappeler de ce qu'avait dit le député là de En Marche. Je sais plus son nom là, mais il se prenait pour une ampoule, il disait qu'avec ses collègues députés, ils éclairaient le peuple pour que celui-ci vote bien et que ça sans cette lumière hein de lui et ses collègues, le peuple ben serait si on lui demande de voter, il voterait contre l'immigration et pour le rétablissement de la peine de mort. Tu vois. Oui, étonnamment. Oui. Donc les députés se prennent pour des ampoules maintenant, hein, ils éclairent. Donc voilà, donc le référendum, le campement qui grossit, ça bouge. Ça a été plus calme chez nous. En fait, c'est en termes de flics. Oui, mais je pense que alors c'est bizarre parce que dans les villes importantes, on va dire dans les métropoles, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, les flics ont vraiment tapé. Ouais. En revanche, Paris, bon, la ville est sous blocus, donc là, il n'y a rien, parce que de toute façon, il peut y avoir rien du tout. Mais il y a eu des consignes pour dire on ralentit sur les arrestations massives, parce que il y a un petit peu la planète entière qui se demande qu'est-ce qui se passe en France. Hein. Enfin, c'est ça, en fait. Hein. C'est bizarre. Ah, c'est curieux. Ah, vous arrêtez des milliers de gens comme ça. Ah, c'est bizarre, hein, quand même. Ah ouais. Voilà. Et en fait, ça a tellement montré ce que c'était que ce régime qu'ils se sont dit on va lâcher un petit peu la pression. Mais c'est vraiment ça. Hein. Tout autour de la les gens ne le savent pas en France, mais tout autour de la planète, des médias internationaux se sont dit qu'est-ce qui se passe en France? Il y a des blessés partout, il y a des milliers d'arrestations. C'est quoi ce truc? Oui, c'est-à-dire que tu as les ambassades qui donnent des consignes à leurs ressortissants de ne pas se rendre en France. C'est-à-dire c'est le genre de consigne qu'on donne en général quand il y a un coup d'État dans un pays africain, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Bon, c'est un petit peu pareil, la France, oui. Mais ouais, ça bouge, et oui, les forces de l'ordre se sont fait plaisir la semaine dernière, ça a des incidences sur le tourisme, par exemple, hein. Paris, le tourisme, c'est... À l'approche de Noël, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Quand l'émission sortira, on sera une semaine pile poil de Noël. C'est ça. C'est ça, et l'ambiance sera très très bonne. Et donc, ils ont comme ça ruiné l'image du truc, parce que les flics qui cartonnent partout, les images sont terribles, terribles. Les gens ne se rendent pas compte, ceux qui nous écoutent, aussi sympathisants soient-ils, ne se rendent pas compte de l'impact à l'étranger. Les gens se disent, qu'est-ce qui se passe en France? Je vous assure. Mais le pays est complètement bloqué, voilà. Non, mais même au-delà de ça, qu'est-ce qui... c'est quoi cette police, il y a un problème. D'où elle sort votre police? C'est quoi votre État? Qu'est-ce qui fait votre gouvernement? Alors, les mecs, officiellement, avec Macron, défendent la social-démocratie, les droits de l'homme, l'ouverture sur le monde. Hein, je veux dire, c'est ça, officiellement. Hein. Et en fait, les gens découvrent que non, c'est juste un régime judéo-socialiste comme les autres, et ça tabasse un peu moins fort qu'ailleurs, mais ça tabasse quand même, quoi. Hein. Voilà, on arrête, on tabasse, on éclate du manifestant, on fiche, voilà. Non, mais bienvenue en France, quoi. L'image de la France, pays de liberté, ça n'existe plus. Hein. C'est un pays de nègres des milliers d'arrestations préventives dans le pays des droits de l'homme. Ouais, c'est ça. C'est la Corée de l'Ouest. Il faut s'arrêter 5 secondes là-dessus. C'est la loi des suspects. C'est sous la terreur, c'est la loi des suspects. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez rien fait, on vous arrête. Pourquoi? Oui, vous êtes suspect. Même si on ne vous arrête pas, déjà, on vous fiche. Hein. Voilà. Alors, les forces de police vont à côté des ronds-points et tout, là où il y a les... Je ne sais pas si on en avait parlé peut-être la semaine dernière, oui. Mais... boire un verre. Plaques d'immatriculation. Ils prennent en photo les plaques d'immatriculation de toutes les bagnoles qui sont garées là. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, les jeunes là, qui faisaient les secours hein, sur la manif à Paris, oui. Aussi pareil, fichier. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Ça fait ton sur ton avec cette république soviétique qu'on appelle la République française. Hein, mais bon, ouais, non, mais c'est, ça se radicalise, ça ressemble de plus en plus à l'Allemagne de l'Est, hein, le truc. Hein. Bah, il y a un délit d'intention, il y avait déjà ça dans C'est très cher Bernard-Henri Lévy, puisque. Au moment de la guerre de Libye, oui, il faut absolument aller en Libye faire la guerre, parce que le colonel Kadhafi pourrait peut-être réprimer son peuple qui manifeste. Donc c'était le délit d'intention. La guerre préventive. Si ça se trouve, ils ont envie de faire, alors du coup, il faut les tuer, quoi. Ou les arrêter. Ouais, là, on non, mais par exemple. Bernard-Henri Lévy, il est très chaud, il aime beaucoup les CRS en ce moment, Bernard-Henri Lévy, par contre, là. Hein, Vive la police. J'attends que Bernard Lévy appelle au secours l'armée de l'air israélienne, je veux dire, pour neutraliser les manifestants. S'il avait été au courant de la présence du STO sur Paris la semaine dernière, je pense qu'il en aurait appelé à l'aviation israélienne. Oui. pour empêcher, comment dirais-je, le peuple d'être menacé par le peuple, effectivement. Ils auraient fait un épandage préventif, pas un gazage, attention, le mot est réservé. Non, oui, voilà, c'est ça, c'est vrai. Copyright. On peut pas parler comme ça, c'est interdit. Alors, mes petits amis, je vous propose une immersion avec des témoignages qu'on a reçus de nos camarades démocrates participatifs, et Dieu sait, Derek l'a dit, que la démocratie participative va être au cœur de ces prochaines années et de la révolution que nous vivons. Alors, premier témoignage de Fedi, qui nous a souvent parlé dans ses... Un habitué. Un démocrate en jaune au pays des rouges. Alors, tout d'abord, je me représente à vous, je suis Fedi, le démocrate en pays Qatar. Je vous ai déjà écrit à deux reprises. Depuis le début du mouvement, j'y participe sur mon département. La sociologie des personnes qui s'y mobilisent est conforme à ce que vous pouvez imaginer pour un département rural. Aujourd'hui, j'ai décidé de monter sur Toulouse pour voir ce qu'il s'y passe et ainsi constater par moi-même le niveau de violence qui a fait parler de lui la semaine dernière. Le fait est que Toulouse soit une ville rouge plus que rose. Je voulais voir comment cela se matérialise dans ce mouvement qui est organiquement pulliste à tendance patriotique. Je vous propose donc un petit compte-rendu à chaud de ce que j'ai pu voir sur place. La première action de la journée a été le blocage du périph toulousain. À partir de 3 points de rendez-vous différents en ville et ses abords, nous avons tous convergé vers les lignes de métro et les voitures sur un point précis du périphérique. Arrivé sur place, nous avons créé un barrage filtrant, une action qui s'est très bien déroulée. Sur le blocage, 300 personnes, la population était variée, sauf racialement, comme d'habitude. Premier constat, m'ayant marqué l'immanquable présence de la France insoumise, une petite équipe bien organisée de 5-6 personnes, des écharpes rouges autour du cou, badge sur la poitrine, ils murmuraient souvent aux oreilles des deux gars au mégaphone, donc ceux qui prenaient la parole en public, quoi, à la suite de quoi les consignes variaient sensiblement. Également présent, des petits nervis du NPA, le parti de Besancenot, badge sur la cuisse, qui semblait faire office de service d'ordre. Ensuite, sur les coups de 13h, nous voulions rejoindre la ville pour la manifestation de 14h. Les rames de métro nous ayant été fermées, devinez pourquoi, nous nous sommes rendus à pied sous forme de cortège au centre-ville. Là encore, initiative prise par le groupe de la France Insoumise. Sur le chemin, je vois un magnifique petit drapeau du NPA qui se dresse devant moi. Le malaise monte. Arrivés en ville, nous rejoignons d'autres cortèges pour former une manifestation de plusieurs milliers de personnes. Là, c'est un drapeau de la CNT que j'aperçois à côté de moi, les intermittents du spectacle nous rejoignent également. La manifestation se chemine alors sur un boulevard parallèle au Capitole. À partir de là, avec ma compagne et mon frère présent à mes côtés, le malaise s'est vraiment emparé de nous. Partout, autour de nous, des gauchistes de toutes sortes, du bobo écolo, au punk à chien, en passant par des antifas, des grosses gouines, des pauvres hippies crasseux, j'en passe, et des meilleurs. Bref, pire, des pires grappes panachées entre nègres et bougnoules qui essayaient de piquer dans les sacs des manifestants. En naviguant un moment, nous avons quand même pu nous sortir de là et nous retrouver parmi des gens sains. Cela fait, voilà que notre cortège arrive nez à nez avec une manifestation de la CGT et du PCF. Ils ont fait leur manifestation à côté. C'est salopard. C'est-à-dire que les mecs ont fait leur contre-manif pour essayer de truster, quoi. Imaginez dans quel état d'esprit je me trouve à ce moment-là. Heureusement, la colère se fait entendre de notre côté, les huées et les sifflets montent, le face-à-face est assez tendu. Résultat, nous devons faire demi-tour, revenir sur nos pas et remonter tout le boulevard jusqu'à la place François-Verdier, la manif des communistes nous suivant de près. Là, nous nous retrouvons devant un gros dispositif de policiers et gendarmes, blindés et canons à eau, l'objectif étant, pour nous, l'accès du Capitole, les forces de l'ordre nous en empêchent, le face-à-face commence. Un peu en retrait, j'aperçois des éléments de la manifestation de la CGT, situés donc tout à l'arrière, qui remontent et se mettent devant les gendarmes mobiles. Là, des bouteilles, des boules de pétanque, etc., leur sont envoyées, donc aux forces de l'ordre. Évidemment, ils ripostent, nous nous faisons gazer. Nous nous retrouvons pris en tenaille, chargés et gazés de tous côtés, nous sommes facilement mis en déroute. À noter que dès les premiers tirs, la CGT et les communistes ont disparu. Des Toulousains m'ont confirmé qu'ils avaient déjà fait ça les semaines précédentes, foutre la merde et disparaître. Notez les tactiques des communistes. Par la suite, nous nous sommes regroupés, mais les gilets jaunes ont laissé peu à peu place aux casseurs, l'alliance quasi formelle entre l'extrême gauche violente et les halogènes de cité. Partant de là, j'ai refusé de me compromettre avec cette vermine et encore moins de me battre à leur côté. Nous nous sommes rentrés dans notre pays. Alors, pour finir, concernant les forces de l'ordre, leur comportement ces dernières semaines a été largement critiquable. Leur fonction, nous le savons, est d'être la milice des Juifs. Mais force de constater qu'aujourd'hui, sur Toulouse, samedi dernier, de mon point de vue, elles se sont montrées professionnelles, sévères et rudes, c'est vrai, mais sans excès de zèle et sachant faire preuve de discernement. Voilà, je ne souhaite pas tirer de conclusion définitive de tout cela à chaud, mais j'ai vu des choses qui m'amènent à penser qu'il y a des divisions profondes dans la population. Je suis rentré chez moi avec le sentiment d'un certain malaise. Ainsi, il me semble difficile de parler de révolte d'un seul peuple, etc., etc. Alors, oui, ça appelle des discussions. Il y a des situations géographiques différentes. Voilà. Toulouse, si tu veux, c'est un peu comme Rennes, hein. Ce sont des aimants à gauchistes, hein, malheureusement. Et c'est vrai que tu as dans ces coins-là toutes les chances de te trouver sur des spécimens, des populations qui sont qui vibrent au son de Karl Marx, quoi, hein, de la voix de Karl Marx. Donc ou de la guitare tzigane. Ou de la... guitare zigane, effectivement, putain, la vache. Et, oui, salaud, putain, je me visualise un gitan avec des Santiago. Excuse-moi, c'est horrible. Oui, vas-y. Voilà, non, mais bon, ça m'étonne pas. Je sais que ça avait été plus ou moins comme ça la semaine dernière. Je sais pas si Fédit y était la semaine dernière. Non. Ça avait beaucoup bougé. Et bon, c'est. Voilà, c'est Toulouse, c'est l'extrême gauche, hein. C'est des extrêmes gauches militantes. Ils ont leur repère, ils ont un truc, quoi. Extrême gauche, ça veut rien dire. Oui, c'est vrai. Tu vois, les types du NPA, France Insoumise, un petit peu ça. Effectivement. Après, t'as les vieux rouges. Voilà. Les vieux rouges de la CGT, eux, alors putain. Non, mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'extrême gauche, ça veut rien dire. Il faut partir de la sociologie, c'est-à-dire des gens en question. Il y a quoi à Toulouse ? Des descendants de rouges espagnols, puants, d'accord, qui veulent combattre Franco, même aujourd'hui. Plus de 50 ans qu'il est calanché Franco, mais ils veulent toujours combattre Franco à Toulouse. Hein. Moins en Espagne, mais bon, à Toulouse, oui. D'accord, ça commence comme ça. Racialement, c'est quoi l'état de la ville ? Mais la ville de Toulouse est un bouge racial. Je veux dire, c'est désespéré. On a eu des témoignages en ce sens-là. Mais bien sûr, est-ce que vous savez qu'il y a 60 000 youpins à Strasbourg, à Toulouse ? Il y a 60 000 youpins. La vache. 60 000 ! 60 000 ! Une colonie, une grappe de youtres a tombé de sa chaise à Toulouse. Alors, donc, vous mettez les Espagnols antifascistes greffés sur cette ville. Vous mettez les 60 000 youpins qui sont greffés partout. C'est pas par hasard que Mera a cartonné une école juive là-bas. Précisément, c'est parce qu'il y a des youpins partout. Vous rajoutez les bougnoules et ensuite toute la crasse que vous pouvez imaginer. Et bien sûr, évidemment que cette ville ne va pas être une ville entre guillemets, gilet jaune. Bon. Mais là, je veux dire à tous nos camarades, ça n'a aucune espèce d'importance. On s'en fout. Dans tout mouvement révolutionnaire, vous aurez toute une série de types de populations qui vont venir, pour des raisons très différentes, se greffer là-dessus. Les populations qui sont liées au crime. Et vous le voyez, c'est systématique. Hein. Et surtout le sous-prolétariat racial, hein. Les nègres, les arabes, ils viennent tous. Les gens le disent, hein. Ils le voient. Hein. Ils viennent toujours sur la fin. Tu vois, ils ont toujours des heures de réveil qui sont pas les mêmes que les autres. Il n'y a pas de complot. Les mecs ne se passent pas le mot, il n'y a pas une organisation politique, machin. Non, non. C'est racial. Là, les gens voient les déterminismes raciaux se mettre en mouvement en face d'eux. C'est-à-dire que Paris, Toulouse, c'est la même chose. Ils se mettent en mouvement aux mêmes heures pour faire les mêmes choses. Voilà, donc si vous ne croyez pas au déterminisme ratio, vous êtes un débile. Voilà, donc passez votre chemin. Pour ceux qui ont un peu de jugeote, ils en tirent les bonnes conclusions. Donc, premièrement, il n'y aura jamais d'unité, machin, comme le dit ce con de Xavier Ruffin, machin. Foutre du nègre. C'est des conneries, ça. Il n'y a que le prolétariat blanc qui a une conscience politique, premièrement. Donc, vous êtes dans cette situation, où vous êtes à Toulouse, vous avez ces Espagnols rouges qui, de toute façon, feront toujours la merde marxiste qu'on attend d'eux, quelques nanars là, qui sortent de leur casa là, avec leur drapeau de la CNT, vous avez les bougnoules, vous avez quelques nègres égarés, quelques retraités de la fonction publique, etc. Donc, dans une ville comme ça, vous n'allez pas trouver le peuple français. Mais on s'en branle. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de l'agitation et que ces mecs-là fixent un certain nombre de forces de l'ordre sur ce point précis qu'est Toulouse. Et ainsi de suite dans toutes les grandes villes cosmopolites de France. On s'en fout des grandes villes cosmopolites de France. Ce qui est important, c'est que ces gauchistes soient nos idiots utiles. Parce que, et c'est là que je veux répondre à notre ami Fédi, vous pourriez vous lamenter en vous disant « Mon Dieu, ce mouvement va être noyauté par l'extrême-gauche. » Non. Parce que la gauche a quoi comme motif ? Augmenter les taxes, augmenter les impôts, c'est ça le leitmotiv de la gauche. Augmenter le nombre de métèques qu'il faudra nourrir avec les taxes augmentées, c'est bien évident. Or, à quoi assiste-t-on ? À la révolte du prolétariat productif arien, blanc. Les Français de souche, les Gaulois, si vous voulez. Ces gens-là en ont marre de payer pour les autres. Et donc, il y a une impossibilité structurelle pour l'extrême gauche trotskiste de ces centres cosmopolites à récupérer un tel mouvement. Ça ne se passera pas. Ça ne peut pas se passer. Jamais un Besancenot, un Mélenchon ne pourront porter les revendications de la classe moyenne en voie justement de paupérisation ou des gens pauvres. Ils pourront pas. Parce qu'ils vont devoir leur dire, les gars, on va maintenir le même taux de taxes, mais on va aller taxer les riches en plus. Sauf que les autres, ils disent, mais j'en ai rien à foutre, moi. Baissez-moi mes taxes. Et ils ne pourront pas répondre à ça. Donc, en fait, tous ces trotskistes, tous ces gauchistes, toute cette crasse participe de l'agitation, mais ne sont vraiment pas un problème dans notre grand mouvement qui embrasse tous les départements de France, qui est un mouvement qui est dans les départements ruraux, périurbains, en marge des grandes villes, etc. Mais dans les grandes villes, en raison de leur sociologie, il y a peut-être des gilets jaunes qui arrivent, mais ce n'est pas dans la sociologie. On est bien d'accord. Je vous prends un témoin, je vous demande une réaction. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Toulouse, c'est pas le peuple français. Paris, c'est pas le peuple français. Et ainsi de suite. On le sait. Bon, voilà. Bon, c'est... Donc, je dis à Fédi, ne t'inquiète pas, camarade. Ce que tu as vu est parfaitement normal. Et j'insiste même en citant Guy Louis. Alors, il est très, très, très cité, de plus en plus cité, à tel point qu'il va finir peut-être assassiné hein, par les Juifs, je ne sais pas. Où il dit, en fait, qu'il y a une scission sociale, économique, territoriale entre la France française, en fait, et les grands centres métropolitains bobos, judéo-cosmopolites, etc. Bon. C'est un fait. Donc, vous n'allez pas avoir une sociologie favorable au mouvement dans des grandes métropoles comme, disons, Toulouse, Marseille, Lyon, etc. Non, c'est pas possible. Ça va être les villes de 40 000, 50 000 habitants qui sont... Voilà. Par contre, là, c'est beaucoup plus sympathique. Et c'est dans ce type de ville-là où ça, au contraire, ça augmente et ça... Oui, c'est moins brouillon, quoi. C'est de moins en moins brouillon. Ouais, pour Guy Louis, la France périphérique, c'est tout ce qui est en dehors de Paris et des 15 plus grosses métropoles françaises. Mais ce qui est très peu en termes de... Les gens ne se rendent pas compte de ça. Ce qui est très peu en termes de superficie. Même en termes de population, c'est minoritaire. C'est 40%. C'est juste que ce sont les centres économiques et politiques. C'est-à-dire que tu as les structures... que tu as les boîtes qui sont autour, etc., etc. Je pense que, sans se tromper, la sociologie gilet jaune, en termes uniquement de superficie, contrôle entre 90 et 95% du territoire français. Ouais, puis il y a un truc aussi, c'est que les bobos aiment bien les immigrés, parce que les immigrés leur livrent des pizzas, ils gardent les enfants, donc en fait, et du coup, les bobos qui ont souvent le pouvoir, indirectement ou directement, finance, soit en les payant directement ou en accordant des subventions à ces immigrés du 93 ou d'autres quartiers autour des périphéries. Donc en fait, celui qui trime, celui qui paye pour ça, c'est le français de la province. C'est-à-dire que nous, on paye des impôts pour que Marie-Catherine à Paris, elle puisse avoir sa nounou nègre défiscalisée, tu vois. C'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Donc elle paye moins cher, et puis l'autre, tranquillou, quoi. Tout va bien. Ouais, en fait, ce qui est terrible même, c'est que, en fait, c'est Françoise qui est prolo, qui va payer ça en utilisant sa bagnole, et elle ne pourra pas, puisqu'elle paye trop de taxes, prendre sa bagnole pour aller aider une vieille tante et lui faire sa lessive ou lui faire ses courses. Bien sûr. C'est ça aussi, hein. Non mais oui, on parle affrontement, clairement, entre tout ça, on y est déjà, ça ne peut que continuer. Ah oui, il y a un truc que je veux souligner, moi, c'est, t'as raison de dire ça, c'est c'est les médias juifs qui parlent de ça, des démobilisations, etc. Mais ce n'est pas uniquement les juifs, c'est relayé par la partie supérieure de la bourgeoisie qui dit « démobilisation, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, mais qui rentrent chez eux, etc. » Ils nous empêchent de faire nos courses. Voilà, nos gens, le peuple voit vraiment à quoi on a affaire. C'est pas uniquement, bien sûr, une question juif, non juif, c'est très clair, on le dit aussi, c'est une question aussi sociale, économique. Il y a une guerre de classe qui nous est faite. Je crois qu'ici, notre logiciel, c'est pas la lutte de classe, hein. C'est très clair. On est dans une dans la logique de l'unification du peuple dans la dans l'idée du bien commun. Mais il y a des gens qui, au contraire, alimentent la guerre de classe. Les juifs, bien sûr. Ils alimentent aussi, ils créent de toutes pièces les conflits raciaux. Je veux dire par là qu'ils importent des nègres pour nous foutre sur la gueule, des musulmans, etc. On va y revenir. Et donc, face à tout ça, les gens découvrent qu'en fait, ils sont désarmés d'abord par rapport à cette bourgeoisie. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux la façon dont réagissent ces gros bourgeois macronistes, c'est effrayant. Mais il y a un mépris hallucinant. Ouais, je veux dire, ouais, moi j'ai. Alors je sais pas si c'est que moi de mon côté, mais peut-être nos auditeurs pourront en témoigner. Les seules personnes que j'ai vues qui n'étaient pas. Je ne soutenais pas les Gilets jaunes et qui même étaient franchement qu'est-ce qu'ils ont à nous faire chier, à nous bloquer, machin. Vieilles bourgeoises, ah, ouais. Que de ça, que des vieilles, les vieilles bourgeoises. Voilà. Ah, c'est ça, c'est. Et, mais moi je l'ai vu sur, les réseaux sociaux, les gens qui. C'est des mecs, ils ont le pognon, ils sont contents, c'est-à-dire que leur équipe de France de nègres, génial, ça nous fait gagner, machin, les types vivent à Paris, vont en vacances, je ne sais pas où, à New York ou à Londres, enfin, c'est ça les gens, et ils se foutent totalement de ce qui arrive aux petites gens, clin d'œil à certaines personnes qui se reconnaîtront, à Saint-Dizier, à Beauvais, etc. Ça les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent. Ils peuvent crever avec leurs 1000 euros. Ils s'en branlent. Et en fait, quelqu'un comme Macron, c'est pas quelqu'un qui va vous foutre ça dans la gueule comme ça. Il va pas vous dire « Je m'en fous totalement si vous crevez la dalle dans votre, avec vos 1000 euros. » votre mari ou votre femme, elle est au chômage. Vous savez pas où garder votre gamine. » Ils vont pas vous mettre ça comme ça dans la gueule. Ils vont phraser ça différemment, mais globalement, c'est ça la logique. C'est que, c'est con, vous vivez pas dans une des 10 grandes métropoles françaises, donc allez crever. Ouais, le pire, c'est... moi, il n'y a pas que des vieilles, il y a des... On va dire des managers à la con qui, en fait, sont des larbins, donc ils ont vraiment le syndrome du larbin. Ils singent leur maître, hein, sans en avoir le pouvoir, qui te disent oui, mais il faut mieux gérer en fait. Hein. Tu vois, il va falloir apprendre à consommer différemment. Mais alors que en fait, ils ne s'en rendent absolument pas compte. Mais les gens, ça fait 5 ans qu'ils ont un budget qui est tracé au cordeau. Et les mecs vont te dire effectivement, tu vas pas pouvoir acheter de Nutella à ta fille. Tu vas peut-être avant t'allais au resto tous les 3 mois, maintenant t'iras tous les 6 mois. Hein. Avant tu prenais ta bagnole pour aller voir ta belle-mère le dimanche. Tu faisais ça tous les dimanches. Maintenant tu vas faire ça tous les mois. Hein, parce que tu consommes, tu pollues, espèce d'enculé. Et ça, il y a quand même des cons qui sont capables de le dire. Et généralement, ils le font via Internet, hein, parce qu'ils peuvent plus trop le faire en direct. Et là, moi, par chez moi, les types qui ont voulu faire ça, il y en a un qui l'a fait, il s'est pris du fumier devant chez lui. Et, un député, la fosse en marche, en fait. Ouais, voilà, la fosse en marche. Il a voulu faire le mariole. Hein, ça a duré 2 jours. C'est odieux parce que les mecs, en fait, ils expliquent aux gens comment le système récupère, en fait, c'est de l'austérité, ok. C'est de l'austérité, mais c'est de la mauvaise austérité parce qu'en réalité, le système continue à s'engraisser à max, évidemment. Donc c'est de l'austérité pour certains, pas pour tout le monde. Et ils ont décidé de maquiller ça avec cette histoire d'écologie à la con, genre demain l'apocalypse, dans 50 ans, sur Terre, il n'y a plus d'air. Ouais. Des conneries comme ça, je veux dire. Et en fait, ils sont là-dedans, et voilà, on arrive à la limite du truc, et ils ne savent plus comment faire. Mais moi, ce qui me choque, je vous assure, moi, j'ai vu les réactions sur Facebook. Alors, je sais que c'est pas forcément représentatif, mais ça dit quand même quelque chose. C'est de voir les macronistes. Quand je dis macronistes, c'est pas vraiment les mecs qui sont membres du parti et tout, quoi. C'est des mecs qui soutiennent en fait l'attitude du gouvernement. Et tu vois en fait, enfin, dans les arguments utilisés, et c'est là que tu vois que les types ne font pas d'efforts, quoi. Ils parlent de leur propre fond, quoi. C'est pas tellement ils disent ouais, votre attitude économiquement elle est stupide parce que X, Y. Ils leur disent, mais en gros, les gars, vous êtes des débiles, vous connaissez rien à la vie parce que vous n'avez pas de diplôme et en plus vous n'avez pas d'argent, donc allez crever dans vos campagnes. Je vous assure que c'est exactement comme ça qu'ils parlent. C'est tout à fait ça. Oui, Vous avez pas. puis, Vous laissez faire avez. Macron, il faut laisser-lui le temps de réparer le pays, faites pas chier, quoi. Non, c'est même pas ça. L'expertise. De toute façon, vous êtes bon pour l'euthanasie, qu'est-ce que vous nous faites chier? Allez mourir et nous faites et arrêtez de nous polluer au quotidien. Donc c'est en ça aussi que cette manifestation sur Paris qui est tellement bloquée par des milliers de flics et tout en dit tellement long sur ce que c'est que l'État français d'ailleurs. Mais les empêche de faire la fête, vous voyez? Ça les empêche de faire la fête, ils sont pas contents, ils sont là, merde, putain, on peut pas acheter nos conneries, qu'est-ce qu'ils nous vendent, merde, là, d'où il sort celui-là, putain, il vient d'où? De Picardie, mais Picardie, c'est où, quoi? C'est l'Australie, ça. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Non, tu rigoles, il y a une députée qui s'est fait choper comme ça, tu vois, elle connaissait pas la géographie. Et le mec lui dit, bah voilà, je suis dans un département, je crois que c'était quel département au nord du Doubs, je ne sais plus quoi, et elle a été incapable de répondre. Donc en fait, tu vois, ce qu'un gamin qui avait le certificat d'études savait il y a 40 ans, les députés d'En Marche, qui sont censés être une élite intellectuelle, ne le savent pas. Et en plus de ça, ils ont le culot de dire, bah ouais, on le sait pas, mais de toute manière, c'est pas important. Hein, ça reste, c'est nous les sachants, nous sommes l'élite, nous sommes les techniciens, et puis faites-nous confiance, pour le bien de l'humanité, nous allons vous ajuster. Faites-nous confiance, ça va bien se passer. Bah moi Bah je non. pense qu'on est aussi motivé pour les ajuster aussi, hein, pour le bien de l'humanité. Hein, Moi aussi. Hein. Ah oui, moi je suis chaud moi. Ah oui, moi je suis partisan de ça. Hein, on va. Il y a des tailles qui sont trop hautes. Moi je pense qu'il va falloir raccourcir. Il va falloir Un raccourcir. ajustement républicain. C'est ça. Non mais ils nous font chier avec ça depuis 2 siècles, la République, les trucs, les villes. D'accord, ok, dont tact. Là, maintenant on va commencer à parler révolution, à parler raccourcissement. Putain, ça me gave. Qui Il y a des d'autre? gens qui, pardon, excuse-moi, il y a des gens qui sont allés plus loin encore. Il y a le député UDI qui s'appelle Jean-Christophe Lagarde. Il a dit, donc il est député, ça veut dire qu'il touche 11 000 et quelques Député, euros par mois. il est maire de Il a Drancy aussi, dit, je crois. ouais, il a dit qu'il estimait que son salaire à lui n'était pas supérieur au salaire moyen des Français. C'est un article notamment de La Dépêche qui relaie ça. Ouais, C'est un mec qui gagne. Le type est un cumulard, il a un salaire absolument. Bon, bref. C'est d'autant que c'est une pute à juif, il a une sale gueule. Bah Particulièrement alors louche. Oui, il doit y en être. Oui. disons-le clairement, il a une gueule d'Ashkénaze. Il y a quelque chose de bizarre, il y a assez bizarre, c'est bizarre. C'est Là, il est beaucoup trop clair. grisâtre, c'est. Là, il est beaucoup trop clair, la joue trop flasque, la lumière prend mal. C'est bizarre, tout ça, c'est Oui, bizarre. c'est surtout la nuit quand tu es sous les lampadaires, tu vois, il y a un reflet. Tu vois. Je ne vous cache pas qu'en 1942, le bonhomme ne passe pas le test. Ne passe pas le test, je vous Non. l'assure. Non, non. Surtout à Drancy, surtout à Drancy. Dans le doute. Avec le docteur Drucker. Drucker. Vous n'avez pas entendu parler Fulbert, mais quand il prend la parole, c'est toujours. Bon. Alors, mes amis, une forte mobilisation en région. Sur ces entrefaites, au livre, plus le commentaire de Fédi. Commentaire numéro. Enfin, bon, on s'en fout du numéro, mais un démocrate participatif qui a participé au mouvement à Montpellier. Cher Gandalf, tu as des partisans, parmi les gilets jaunes à Montpellier. Comment je le sais? Mais parce que j'appartiens à ce mouvement et j'ai pu conduire le cortège des manifestants, 400 gilets jaunes avec un char à 6 roulettes et 200 autres manifestants sans gilets jaunes, mais avec nous, derrière nous, quoi. Devant la nouvelle cité judiciaire de Montpellier, on a tapé sur les vitres, on était sur le point de renverser la grille. À l'intérieur, ils se pissaient dessus et appelaient les forces de l'ordre à l'aide. Ils étaient tellement certains qu'on ne passerait pas par là, qu'on n'oserait pas, qu'il n'y avait devant la nouvelle cité judiciaire près du trou aucun CRS, aucun gendarme, aucun flic municipal. Le pire, un Père Noël expliquait à des enfants le fonctionnement de la justice, probablement si j'en crois ce que je voyais derrière les vitres. Puis discours de menace contre les juges rouges, s'ils répriment les gilets jaunes, leur font le moindre mal. Je ne peux pas citer tout le reste parce que c'est très peu amical. Avec tout le concours de notre équipe, etc., etc. Et ça chantait « Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les macronistes à la lanterne, les... ah, ça ira, ça ira, ça ira, les macronistes, on les pendra !» C'était la nouveauté du jour, ce déplacement surprise devant la nouvelle cité judiciaire, où on a surpris tous les CRS à la préfecture se demandant où on partait tous. La manif a commencé sur place à la comédie à 14h pour venir mourir à 18h30, etc., etc. Bon. Magnifique séance révolutionnaire dont je me reconnais totalement. Je les trouve magnifiques. Tous ces gilets jaunes, tous ceux qui nous écoutent, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Ils se lancent spontanément avec une fraîcheur. C'est magnifique, quoi. C'est le pouvoir tremble. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est voilà, le peuple. J'aime le peuple. Qu'est-ce que vous voulez en dire de bon, Montpellier, là hein. C'est surprenant, quoi. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été comme Toulouse, mais alors là, bon, bah, ils sont arrivés en mode surprise, on est là. C'est bon, ça avait l'air d'être assez... oui, c'est-à-dire... Assez, alors... C'était apolitique, tu n'avais pas toutes les boutiques, apparemment. Hein, de... Enfin, en tout cas, il n'a pas mentionné, hein, l'auditeur. Il n'y avait pas toutes les boutiques des crasseux habituels, quoi. Peut-être qu'ils étaient à la Et pêche, surtout... Le peuple commence ou a compris que les juges rouges sont des terroristes antipopulaires. Voilà, ça c'est à la solde des juifs. Ben, il y a peut-être eu des condamnations la semaine dernière, parce que je sais pas, hein, la semaine dernière, Macron a dit nous serons intraitables. Durcissement. Oui. Y a des gens qui ont été condamnés, hein, des jeunes, même sur Paris. Jeune. Alors, il n'avait pas été condamné, mais on l'a mis au trou en attendant son jugement en janvier, par exemple. Hein. C'est bien, hein, un petit jeune qui passe pas de la famille. Ça, c'est sympathique. Ça dépend, hein. Ça dépend où, parce qu'au Puy-en-Velay, les gilets jaunes qui ont décidé de faire un barbecue de la préfecture ont pris 3 mois avec sursis. Ouais, ouais, bah ouais. Donc, visiblement... un certain langage avec les juges rouges a l'air de porter. J'en tire les conclusions sur la base des décisions qu'ils prennent. Bah, oui, mais c'est-à-dire c'est la radicalisation qui paye. On a eu le témoignage d'une journaliste là sur, je crois que c'était sur CNews, il me semble, journaliste de l'opinion, qui parlait. C'est elle qui avait rapporté ce dont on a parlé tout à l'heure, que Macron était game over, hein, selon l'ancien argentier d'Allemagne. Oui, game over. Elle a aussi rapporté que les gérants les PDG des entreprises du CAC 40 ont dit à Macron de tout lâcher parce qu'ils avaient peur de retrouver leur tête au bout d'une pique. C'est ça. Voilà, donc physiquement, hein, c'est pas une physiquement, image, hein. C'était pas métaphorique. C'est-à-dire qu'ils ont peur. Ces gens ont peur pour leur vie. Ils ont peur pour leur vie. Donc là si les juges aussi, hein, on commence à les secouer là comme vous avez fait, si ces gens ont peur, c'est très bien parce que c'est ces gens-là qui ont le bâton pour nous taper sur la gueule après. Donc c'est bien qu'ils soient conscients de voilà qui attention en avant-garde. Ils le vont réprimer à la première occasion. Ne le perdez pas de vue. Bien sûr. Donc Bloomberg on fait aussi un article. Qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Chaubleu. Hein. Ils disent clairement Macron c'est foutu et la zone euro en fait est dans le caca à cause des gilets jaunes. Ça, c'est la façon dont ils le tournent. Parce que, évidemment, vous pensez bien que c'est pas les Gilets jaunes qui créent la crise économique. C'est pas eux qui la créent. Bien sûr. Bien sûr. Mais ils vont vendre ça comme ça. Macron, cette salope, parce que c'est une salope, hein, va expliquer que c'est les Gilets jaunes. Non, c'est une. Alors, c'est une salope avec les nègres et c'est une pute avec les banquiers. Oui, c'est ça, voilà. Mais de toute façon, on a affaire à un pouvoir criminel qui va vouloir signer le peuple. Alors moi, je vois le peuple à Montpellier en ébullition, prenant à partie ces juges criminels, ces juges rouges qui veulent, qui menacent, qui veulent réprimer les gilets jaunes qui s'opposent au nom du peuple. Tous ces brigands doivent répondre à leurs actes. Moi, je le dis, ça doit se faire en bon ordre, mais ils devront répondre à leurs actes. Et de la même façon, d'ailleurs, que les politiciens, et surtout que ces députés en général, mais surtout les députés macronistes, qui sont particulièrement hideux dans cette affaire. Alors, je vous livre un autre commentaire, hein, puisque nous avons, comme vous le savez, beaucoup beaucoup de démocrates participatifs. Nous voulons une vraie démocratie participative, je le répète. Hier, je cite, hein, « Je n'ai pas commenté ici sur DP l'acte 5, car j'étais à la manif avec plusieurs amis. Mes conclusions. Le pouvoir a affiné ses méthodes répressives dans un but de contrôle des foules et de maîtrise des images. Reprenez la carte des stations de métro fermées. Point rouge sur la carte et des portions de lignes de métro qui ne fonctionnent pas publiées et publiées sur les DP. Alors, je ne sais pas si on a publié sur DP, mais ce que je sais, c'est qu'on a la cartographie de ces 40 stations de métro qui sont effectivement totalement bloquées. Voici ce que nous dit notre camarade encore. Le pouvoir a empêché tout passage rapide et simple sur les deux tiers de l'axe nord-sud de Paris. Donc ça, c'est relatif à la manifestation de Paris. Hein. Entre Porte-Maillot et Châtelet au centre de Paris. B. Simultanément, le pouvoir a empêché tout déplacement rapide des manifestants entre l'ouest de Paris, Porte-Maillot, et le centre de Paris, Châtelet, voire même l'est de Paris, gare de Lyon. Le but évident était d'empêcher les manifestants de se déplacer facilement et rapidement d'un point à un autre pour se concentrer et faire masse, visuellement, tactiquement et surtout médiatiquement. Enfin, le pouvoir a pratiqué une tactique d'émiettement des manifestants, donc ce qui sera repris dans toutes les autres villes après, hein, que mes amis et moi avons vu en direct à l'Opéra. Les gilets jaunes occupaient l'entièreté de la place et ont été soudainement gazés et dispersés dans les avenues et rues adjacentes. Pourquoi ? Quel intérêt, me suis-je demandé ? C'est un ami qui m'a donné la réponse. Ils ne veulent pas que l'on se concentre. Ça, c'est un témoignage qui est sur la question de Paris, mais ça rejoint ce qu'on dit sur toutes les autres manifestations, parce que si vous regardez Nantes, gazage intensif, sur Nantes, gazage de masse hein, sur Nantes. Hein. Vous avez aussi, bien évidemment, Bordeaux, Toulouse, Lyon. Lyon, il n'y a pas eu une manifestation de masse, mais il y a eu plus de monde que la dernière fois, et du gazage, de la confrontation, des villes comme Besançon. Les flics ont chargé les manifestants. C'est hallucinant, ça. À Besançon. Tout est comme ça. On a vu des flics particulièrement agressifs. Alors là, uniquement sur la question des flics, je vous pose la question, une posture très agressive, là, quand même. Hein. Par rapport à quoi ? Par rapport à aux manifestants ? Ouais, totalement. Ça ne change pas, quoi. Non, parce que dans la première semaine, on va dire... Dans les petites villes, peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai que bon, dès que ça commence à être près des préfectures, des trucs comme ça, oui, ou même des sous-préfectures, hein, là, Non, mais là, on peut le dire, moi je le vois, je le constate, mais les gens, les Français, là, sur sur la gendarmerie, enfin, que ça leur plaise ou pas, hein, ou sur la police, police anti-émeute ou pas, enfin, leur image. Honnêtement, hein, mais là, les gens, là, ils sont tombés de leur chaise. Hein. Parce que d'habitude, vous savez, ils répriment des manifestants, mais de détail, genre, je sais pas, des dockers, des routiers. Mais les gens ne se sentent pas concernés, en fait. Ils se disent, bah oui, mais je sais pas, allez savoir, est-ce qu'il y a eu des gens violents. Ils ne font pas attention, en fait. Mais là, le mouvement des Gilets jaunes, en fait, le problème, c'est qu'il est partout. Et ils voient les flics réagir. Là, ils sont de plus en plus brutaux. Et l'attitude des gens, c'est merde, c'est ça notre police, en fait. En fait. Tu sais, t'entendais souvent les gilets jaunes dire oui, la police avec nous, la police avec nous. Ça a duré 2 semaines. Ça a duré 2 semaines et je pense que les plus intelligents ont compris au bout d'un quart d'heure. Mais bon. Ouais. Alors bon, je sais qu'il y a des gens qui sont dans les gilets jaunes, enfin dans la police, qui partagent nos idées, on le sait, hein. Mais comme institution, comme organisation, là c'est dramatique parce qu'ils sont, semaine après semaine, ils s'épuisent physiquement d'ailleurs pour eux, mais dans le regard de la population, c'est terrible, terrible, terrible, terrible. C'est ça va être la détestation de la population, la détestation. Je veux pas leur prédire autre chose. Parce que c'est trop... Non mais ils ont quand même été particulièrement lâches avec la racaille ces derniers mois. Hein. Oh hein, mon Dieu. À Nantes, on parlait de Nantes. Ah oui. Mais c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que les types, en plus, ils me disent « Oui mais c'est pas de notre faute parce qu'on reçoit les ordres, etc. » Bien sûr. Mais à un moment donné, les gens regardent, ils voient bien que vous tapez comme des cons sur les Français, et quand c'est des bougnoules et des nègres trafiquants de cam qui foutent la merde, ils voient que vous êtes coulants. Alors ils vont nous dire, mais oui, mais c'est pas nous qui donnons les ordres. Bien sûr, mais les gens, ils s'en foutent de savoir qui donne les ordres. C'est ce qu'ils voient. Et ils retiennent, ça leur marque l'esprit. À la limite, c'est même pas au niveau du raisonnement, c'est au niveau de l'inconscient. Ils vont dire, t'as vu, c'est sale flic à la con, là, ils nous tabassent la gueule, et puis quand c'est des nègres, etc., ça file doux, quoi. Et voilà. Alors j'invite juste un truc, et je te donne la parole, bien sûr, Alexis. Moi, j'invite les flics, vraiment, mais je les invite, mais lourdement, quoi, à dire à leur direction, les gars, nous on veut bien tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, c'est plus possible. On peut pas se substituer à l'autre pétasse de Macron. On peut pas taper le peuple français semaine après semaine comme ça et faire croire que c'est une attitude normale. Même à l'étranger, ça choque. Même à l'étranger. Alors moi je sais pas, peut-être que la police française en a rien à foutre de son image, peut-être qu'elle en a rien à foutre de son image vis-à-vis du peuple français, peut-être qu'en fait elle en a rien à foutre du patriotisme, je ne sais pas. Mais force est de constater qu'en se compromettant avec la clique à Castaner, le joueur de poker, ben excusez-moi, du milieu de la... Enfin, je sais pas. Kéké. Alexis. Ouais, je vais juste dire que les dealers de cam, de Noisy-le-Sec notamment, s'inquiètent des lycéens, par exemple, qui pourraient bloquer, qui pourraient rejoindre les gilets jaunes, parce que ça crée des attroupements, ça pourrait faire venir la police, donc ça dérange leur deal. Donc du coup, il y a une alliance objective, on le voit bien, entre les dealers et les policiers, on aura tout vu, mais ouais, on a laissé prospérer dans les quartiers 700, Xavier Offert, on en parlera tout à l'heure dans un autre contexte, pour Strasbourg, ouais. Avait dit qu'il y avait 700 cités qui étaient vraiment rongées jusqu'à la moelle par l'islamisme d'un côté, territoire étranger. Ouais. On a fermé les yeux pendant des années. Des casbahs, quoi. Fulbert. La situation étant ce qu'elle est, je pense que, bon, c'est le cas en Belgique, et je suppose que c'est le cas en France, j'en suis presque certain, mais je vous rappelle quand même une petite chose qui est piquante, qui est un détail, une anecdote, mais qui a son importance. Le trafic de drogue entre dans le calcul de la croissance. Oui, depuis l'an dernier, je crois. Et la prostitution aussi. Et la prostitution aussi, exactement. Ce qui veut dire que j'ai lu un jour un texte, il y a très longtemps de cela, il y a 10-15 ans, de Robert Stoeckers, qui décrivait, qui faisait une analyse de la situation, non pas de la croissance, mais de l'économie, et qui distinguait les 7 filières du commerce illégal. Je ne saurais plus les citer, mais dedans entraient la prostitution et le trafic de drogue, justement, le trafic de tabac et encore 4 autres. Bien de citer Robert Stoeckers, qui est un ami et qui est aussi un brillant intellectuel, hein, de la nouvelle droite, belge d'origine. Bon, on est dans une nasse. Alors, brièvement, est-ce qu'on peut parler des déclarations de Macron? Parce que on est sur la semaine, on est dans le feu de l'action. Pour reprendre le début de la semaine, c'est voilà, lundi, signature du pacte de Marrakech en arrière-fond non assumé par le gouvernement français. En Belgique, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Le gouvernement se fissure. Fulbert en a parlé la semaine dernière. Macron prend la parole. Donc là, on a parlé de tout ce qu'on, la situation telle qu'elle est maintenant, mais en amont, Macron parle et en fait est censé apporter en gros du cash pour faire taire les gueux. Hein. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça, si vous voulez, Ouais. de ces fausses, en fait, de ces fausses. Bon, moi, je considère que c'est un crachat à la gueule du peuple français, mais bon, c'est personnel. Donc, est-ce qu'on peut parler de ce qu'a dit Macron lors de sa prise de parole? Alors, Ouais. le SMIC d'abord, peut-être. Hein. Le SMIC, l'augmentation, on n'a pas trop bien compris, de 100 euros, mais sans que les entreprises le payent. Bon, c'est assez bizarre. C'était une Bah mesure qui non, était déjà. c'est pas bizarre. Si c'est l'entreprise qui paye pas, c'est à la charge du contribuable français. Alors, donc c'est la classe moyenne. Oui, non, non, mais c'est bizarre dans la C'est manière. magique, C'est quoi. Il cherche pas à comprendre. bizarre dans la manière. C'est ça, oui, c'est les comptes du magicien. C'était des trucs qui étaient déjà prévus, plus ou moins. Bon, je crois que ça va nous coûter 10 milliards d'euros, ce truc. Hein, c'est bien. Il fait après du Sarkozy par rapport aux heures supplémentaires, donc c'est défiscalisation des heures supplémentaires. Et il a mis en place. Attends, il fait du Sarkozy. Attends, précisons. Il ne crée rien. Il rétablit ce Il qu'avait créé rétablit quelque Sarkozy. chose qui avait été mis sous Sarkozy, que Hollande avait annulé. Et le troisième truc, c'est la prime de Noël. Alors oui, ça c'est marrant, c'est-à-dire que c'est en fait c'est pour les boîtes qui ont une trésorerie, hein, ce qui n'est pas le cas des petites boîtes par exemple. Et donc, alors en plus c'est bon, c'est assez large comme truc, c'est-à-dire que si tu gagnes moins de 3 600 euros net, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les petits qui vont en profiter, on dira, quand tu as 3 600, bon, hein, voilà. Tu auras droit à. Enfin, l'entreprise pourra te donner une prime qui sera défiscalisée jusqu'à 1 000 euros. C'est-à-dire que si on te donne une prime de 1 000 euros, ça ne sera pas comptabilisé dans l'impôt. McDav? Ouais, sur le discours de Macron, ça m'a vraiment frappé. Parce que j'ai vraiment. Dès les 30 premières secondes de son discours, je me suis dit, putain, mais ce type est d'une arrogance, mais inouïe. Et j'ai. Enfin, il y a pas mal d'analyses qui ont été faites sur la forme de son discours. Et ce type vient du. Enfin, faut pas oublier, hein, il faisait pas n'importe quoi chez Rothschild. Il faisait du private equity. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait, on va dire, des relations publiques. Oui, Et c'est il pas y un a. technicien banquier quoi. C'est Ouais, quelqu'un qui est dans les salons, qui bouge d'un endroit à l'autre, qui va boire des coups, etc. quoi. quand Alain Minc dit que c'est une pute, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois que c'est Attali qui l'a présenté à Rothschild en disant, tu vas voir, ce type est extraordinaire parce que c'est un enfumeur. Mais en fait, il peut enfumer une certaine catégorie de la population. Ouais, c'est ça. Il y a un documentaire qui a été fait sur lui, enfin, qui est un peu géographique. Et dans ce doc, il y a un copain à lui de prépa. Et le mec, il dit, bah, en fait, Macron, il arrivait à faire quelque chose que personne d'autre n'arrivait à faire dans la prépa. Il arrivait à enfumer le prof de maths. C'est-à-dire qu'il ne, il ne disait pas la réponse, mais il faisait comprendre au prof que finalement, il n'avait pas compris, quoi. Tu vois, il était entre les deux, il arrivait comme ça à hypnotiser les gens. Et dans son discours, c'est de l'hypnose. C'est vraiment de la PNL de base. Il en fume. Il divise. Enfin, c'est. Bon, je vais pas revenir là-dessus, mais il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a plein de phrases où il fait de la dissociation, c'est-à-dire qu'il s'adresse à un individu qui est lui-même séparé. Tu vois, il va s'adresser à une partie de l'individu, puis à l'autre partie juste après, pour découper l'individu, en fait. Et ça se voit, ce mec, non seulement est doué pour enfumer, Et en plus de ça, il a été formé à très très haut niveau. Mais ça, tu peux le faire à un mec qui bosse dans le tertiaire. Tu peux faire ça à un actionnaire. Tu peux l'enfumer comme ça. Mais tu peux pas enfumer un mec du peuple avec ça. Ça marche pas. Et moi, j'étais avec un gilet jaune quand j'écoutais le discours de Macron. Au bout de 5 minutes, le mec a pété un plomb. Il a dit, mais il nous prend pour un con. Ça, tu peux faire ça avec des employés de banque, avec des Parisiens métrosexuels. Mais ce discours-là, tu peux pas l'avoir avec un mec du peuple. C'est pas possible. Oui, je crois que je rejoins ce que tu dis, hein. Mais moi, je suis immunisé. Moi, je me suis pas fait avoir. Alors, le peuple non plus, mais je sais pas pourquoi. Probablement parce que le bon sens populaire, hein. Le Mais groin. voilà, le gros. Non, mais c'est visible. Enfin, je sais pas qui peut se faire enculer par un mec comme ça, parce que moi, je le trouve à la base, moi, je trouve Macron, il est. Enfin, moi, je le trouve pas sérieux. Enfin, c'est pas sérieux, mais pas crédible. Dès l'origine, je me suis dit, il est, enfin, je me Un suis dit, espèce de type, un type qui sourit tout le temps, qui a une vas-y. gueule de premier de la classe et qui se tape une vieille, je sais pas, Voilà, c'est ça, c'est l'impression d'un sketch de, je sais pas, des inconnus, quoi. Et puis avec les dents mal foutues, il a des dents glandues, je sais pas si vous voyez, regardez Ouais. ses dents, je sais pas, vous avez pas fait gaffe à ses dents? Ouais, Ses c'est dents sont pas des dents nettes, mal etc., foutu. qui étaient très fortes. Non, c'est des dents qui se tordent un petit peu, avec un espace au milieu. Regardez ses dents. Et c'est des dents de glandu. C'est des C'est une dents, dame de mangeoire genre. de soupe. Voilà, c'est ça. Ouais. Excusez-moi, hein, je parle franchement. Vous allez me dire, putain, tu parles d'analyse politique. Dès comme ça, je monte après tout. Mais en plus de l'analyse politique, je veux dire, physiquement, quand j'ai vu le mec avec ses dents et sourire comme un con. Je me suis dit, putain, le mec, il y a en lui, il y a une part de glandu. Et c'est drôle parce que le mec prend de haut les gens en disant, putain, mais quelle masse d'abrutis que je dois gérer, quoi. Avec une part quand même d'intellect, hein. Faut pas nier à Macron ce qu'il a pas. Il a une part d'intellect. Mais j'ai l'impression que chez ce mec-là, en plus de l'intellect, il y a une part de glandu, enfin authentique, et qui va le faire foirer sur telle ou telle situation, en fait. Mais moi, j'ai jamais pris ce mec-là comme Totalement. une espèce de Machiavel qui va extrêmement dangereux, etc. Non, je pense qu'en fait, c'est tellement un couillon qui va merder comme c'était prévu. Enfin, je vais vous dire, sincèrement, hein, quand je l'ai vu président de la République, je me suis dit, ouais, bon, bah, la République française, ça veut plus trop rien dire. Parce que bon, foutre un clampin comme ça, président, déjà François Hollande, c'était un con. Oui, qui avait une tête de gland, quoi. Mais quand j'ai vu Macron, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant c'est plus que des. C'est plus que des mecs des seconds couteaux qu'on va foutre là, comme ça, machin. Mais je me suis jamais dit, Macron, c'est un mec, il a un charisme de dingue. Jamais, quoi. Jamais, jamais, jamais, parce que problème aussi à cause de mon âge, parce que moi j'ai connu Mitterrand par exemple, hein. Bon, bah, Mitterrand, j'étais pas forcément fan, mais enfin ça ressemblait encore à quelque chose. Enfin, c'était encore un chef de l'État, c'était encore, voilà, il y avait encore quelque chose. C'est Mais fini ça. Mitterrand, c'était un intellectuel. Ah oui, à son niveau, oui, certainement, bien sûr. Mais Macron, je pense qu'il se surestime intellectuellement. Mais il a certainement des capacités intellectuelles assez fortes. Mais il y a des trucs qu'il n'a pas compris. Non, c'est Mais ce qu'il mec-là, comprendra jamais. au maximum, ce mec-là a une bonne mémoire. Mais Ouais, il je est. pense qu'il doit être doué pour convaincre les vieux, en fait. C'est les vieilles. C'est surtout Non, ça. mais attends, non, mais t'as un problème, ce mec-là, il est là, il est avec sa rombière. Non, mais il y a un problème, je veux dire. Les gens Oui, sont même pas. Les le Français. tableau n'est pas normal. On nous a présenté ça, oui, tu sais. Ouais, Ah, ouais, ouais. c'est atypique. Non, c'est un truc de détraqué, c'est tout. Hein. Voilà. Non, mais c'est totalement morbide, hein. Et moi, Mais j'étais c'est pas sidéré normal, par c'est ça. pas Hein. normal, D'autant c'est qu'elle a pas une tête de normal. momie, la vieille. Hein. Et en Putain, plus. non, mais attends, on nous l'a présenté comme comme une bombasse, la femme mature, la femme cougar. Une égérie de mode. Elle ressemble à rien. Une égérie qui s'habille et tout. Quoi. Ah ouais, bah c'est ça. Elle est dégueulasse, elle ressemble à rien. Elle est d'une laideur. Mais c'est... Elle a des cannes, on dirait des crécins. Bah, on dirait un serin. Elle a des cannes de serin, la Rombière, qu'est-ce qu'on me raconte, moi? Moi, je vois la comment dire... Ouais, attends, vous me foutez Pamela Anderson. Bon, elle raconte des conneries matin, midi et soir, mais bon, 50 balais, bon, ça ressemble à une femme, c'est une belle poule, 50 ans, elle fait son truc, etc. Brigitte, mais là, elle a pas 50 ans, elle a 65 ans, je crois. Hein. Mais on me colle le musée de Londres en termes d'égyptologie, quoi. Là, paf, dans la gueule et avec les cannes de serin. Voilà. Et je suis censé trouver ça normal. Et il y a l'autre qui est là, dont on sait parfaitement qu'il ne la touche même pas avec une baguette. Voilà. Par contre, il se fait entuber par tous les nègres de la capitale. Hein. Sodomite, on s'entend. Donc, c'est hallucinant à quel point est tombé le truc. Il nomme partout des juifs homosexuels, mais qui s'enculent, mais à se fatiguer le chibre. Voilà où on en est, quoi. Et le mec s'étonne, tiens, c'est bizarre, le peuple a tendance à tirer la gueule, quoi. Je sais pas. Allez, tiens, vas-y, mais allez, les gueux, là. Allez, prime d'activité quand même. J'ai envie de m'arrêter là-dessus. Prime d'activité. Est-ce que ça signe pas le crime quelque part? Parce que tu vois un mouvement quasi insurrectionnel qui prend une tournure insurrectionnelle. Tu peux te dire c'est le peuple français qui est en colère. Mais eux, ils disent non. C'est la partie la plus dégénérée des gars qui touchent Le SMIC qui fout la merde. Donc on va leur donner 50 euros de plus par mois à ces connards. Et c'est même pas nous qui allons payer, c'est les autres enculés. Voilà, c'est les mecs qui gagnent les 8, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en fait, en soi, ça signe le crime. C'est-à-dire que ceux qui ont pas pigé ça, voilà comment ceux qui gouvernent vous voient. Ils se disent, il y a le gueux B qui fait chier, on va aller voir le gueux A qui fait chier, mais un peu moins chier, et il va payer pour le gueux B. Ouais, totalement. Mais d'ailleurs, la fameuse prime d'activité, qui est maintenant versée par la CAF, avant, c'était versé par les impôts annuellement, et ça s'appelait la prime pour l'emploi. Et la prime pour l'emploi, elle a été mise en place comme étant, en fait, la part négative de l'impôt sur le revenu. Ça a été présenté comme ça. C'est-à-dire que on considérait que des gens payaient des impôts indirects, de la TVA ou autre, et qu'il fallait, en fait, les encourager à travailler. Et donc, on leur filait... c'était pas grand-chose. Hein. Je pense que pour un SMIC, ça devait être 2/3 de SMIC sur un an. Et... Maintenant, c'est donné par la CAF. Donc, en fait, c'est donné comme une prestation sociale. C'est-à-dire qu'il faut aller à la CAF pour réclamer le truc. Ah, c'est fait par la CAF, hein. C'est fait par la CAF depuis un an et demi, je crois, ou 2 ans. Ok. Ah oui, c'est alors... ça, en fait. C'est parce qu'il avait pour projet d'augmenter cette prime d'activité de 20 euros par an, je crois. Et finalement, cette prime d'activité... plutôt que de l'augmenter de 20 euros par an, il compte. Alors, visiblement, en fait, vu qu'on va passer au prélèvement automatique dans 15 jours... Hein, non, apparemment, c'est le prélèvement à la source. Ouais, enfin, c'est pareil pour moi. Oui, mais il faut dire... Ouais, le vrai nom, c'est racket juif, mais bon... Oui, et apparemment, la CAF n'est pas prête, hein. Donc les mesures de Macron qui sont en fait une accélération de quelque chose qui était déjà prévu, il ne pourra pas les faire en janvier, et visiblement ce serait pour juin 2019. Ouais. Il y a aussi la partie sur, il a dit les universités, les écoles, il faut poursuivre les efforts, etc. Mais... la seule mesure phare qui a été prise depuis que Macron est arrivé en matière éducative, c'est 1,5 milliard en plus, mais dirigé vers les ZEP et REP, c'est-à-dire les banlieues de l'immigration, où on dédouble les classes. Donc en fait, les gens de la campagne qui voient ça, eux, ils voient leur classe fermée. Quand il y a plus que 12 élèves dans un village, et ben on dit « Oui, mais on va vous mettre avec la classe du dessus, comme ça vous serez 30 en totalité, les 6e et les 5e en même temps, puis vous serez content comme ça. » Ouais, il fallait faire les bougnoules, quoi. Alors que, oui, on met parfois deux profs pour dans une même classe en banlieue du 93. Oui, mais c'est les joyeux de la couronne, il faut... Faut en prendre soin. Enfin, les joyeux de la République, quoi, excusez-moi. Les pépites. Les pépites de la République, c'est notre trésor national. Non nègre. Ouais, parce qu'il a parlé à aucun moment, excuse-moi de couper un peu, mais il a parlé à aucun moment de faire des coupes à des endroits où on pourrait les faire. Par exemple, le ministère de la Culture, on sait très bien que depuis qu'il est arrivé, ça a encore augmenté, alors que ça sert quasiment à rien, en fait. Hein. Non, mais il n'y a pas eu de coupe. Il y a eu de l'argent gratuit qui a été distribué, c'est tout. Il n'y a pas eu de coupe d'impôts. C'est bon. À la base, les gilets jaunes, c'est ça. C'est on veut moins d'impôts. Quand on paye trop d'impôts, on paye trop de taxes. Là, bon, on te donne un petit subside que les mecs qui gagnent 2000 balles, ils vont payer. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils ont moins d'impôts. Et sous-entendu, c'est cette baisse des impôts pourrait être financée dans un premier temps avant que ça rapporte de l'argent, parce que à long terme, selon le schéma libéral classique, si on met des impôts bas, on aura une pépinière d'entreprises qui va se créer, donc on aura finalement plus d'activités, plus de richesses. Mais dans un premier temps, il faut aussi écarter les gens, enfin faire des coupes là où ça sert à rien, des gens dans les collectivités territoriales. Et ça, donc réduire le train de vie de l'État, et ça à aucun moment Macron n'en a parlé dans son discours. Ouais, alors il en a pas parlé, mais c'est quand même le projet. Hein. C'est le projet, c'est de porter la responsabilité sur les collectivités locales qui ont embauché à tour de bras et qui sont, enfin, on a vraiment des barons, des féodaux, mais qui ont embauché des fonctionnaires dans la France périphérique. Qui ne servent à rien, et en même temps, alors en même temps c'est une formule macronesque, hein. En même temps, tu as ce qui est vital, quoi, ce qui est assuré par l'État, qui n'est plus entretenu, donc en fait, t'as des super bâtiments qui en plus, depuis la réforme des régions, font doublon, où on te colle de la fonctionnaire, qui généralement c'est de la bonne femme, qui sert absolument à rien, qu'on pourrait virer dans l'heure, mais à côté de ça, t'as pas suffisamment d'aides-soignantes ou d'infirmières ou de pompiers parce que il n'y a pas les fonds de l'État, enfin de Paris, hein, pour faire le nécessaire. Donc quelque part, c'est vrai qu'il y a trop d'État, on paye trop d'impôts, mais quand la fameuse Moureau, qui est très louche, hein, disait où est le pognon, elle pose une vraie question. Moi, je suis. Effectivement, va falloir payer moins d'impôts, mais il va falloir se poser la question de savoir quel est le rôle de l'État, le vrai rôle de l'État, qu'est-ce qu'il doit faire, de quoi il doit s'occuper, quelles sont les priorités. La priorité, c'est engraisser la banque juive, hein, si t'as pas piché. Et t'as fait on est d'accord. Pas que ça, c'est-à-dire que c'est d'avoir une clientèle. L'État, il a ses fonctionnaires qui, en général, sont des clients qui votent pour lui. C'est surtout une grosse, grosse dette, hein, qui produit beaucoup, beaucoup d'huile et il faut payer. Je suis d'accord, hein, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des gilets jaunes qui se plaignent, je pense à raison, du délitement des services publics et qui payent des impôts et qui n'en voient pas le retour. C'est la conséquence du premier truc. Les impôts, ils sortent d'où? C'est pour engraisser toute cette case de pourris, de machins, de politiques, d'associations, de médias, de beans. Mais ensuite, c'est pour rembourser, on rembourse rien, tu te fais voler. Mais pour filer du pognon à cette finance internationale et qui te presse comme un citron. Donc ils attaquent aux périphéries, ils attaquent aux périphéries, bien sûr, évidemment. Et voilà, les gens sont là, je comprends pas, etc. Bah, comprends pas, voilà. Et c'est pas en ayant la CGT, la CFDT, le Parti communiste, le Parti social. Bref, c'est pas en ayant des partis juifs qu'on va se défendre. Bah non. Mais voilà. Mais la dette, c'est irremboursable. Donc quand les gilets jaunes diront voilà. Clairement niet, on ne rembourse pas, là ce sera bon. Alors, là, l'armée israélienne interviendra. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Il n'y aura jamais les mecs qui vont dire on rembourse pas. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que la France va pas rembourser. Il n'y a jamais personne dans... Enfin, si, c'est déjà arrivé, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un défaut. Là, on va s'amuser, quoi. Alors, mes amis, ne nous égarons pas. L'attentat de Strasbourg, consécutif aux annonces de Macron qui n'ont satisfait personne. Bon, j'ai envie de citer vite fait Xavier Roffer, que tout le monde connaît, je pense. On va le laisser parler. Ça vaut tout le reste. Voilà, on l'écoute et on se retrouve. D'un peu étrange dans toute cette affaire-là. Les gendarmes vont l'arrêter le matin chez lui. Hier matin. Pourquoi des gendarmes? Parce que l'infraction commise était en zone gendarmerie. Donc, ok, normalement, les gendarmes, la section de recherche ou quoi, va l'arrêter. Avec les gendarmes qui vont l'arrêter le matin, il y a deux policiers de la DGSI. Je ne comprends pas pourquoi, après ça, le secrétaire d'État vient dire on n'est pas sûr que ce soit un islamiste. Enfin, la DGSI ne se déplace pas pour les voleurs de poules. Donc, premier point d'étonnement. Deuxièmement, une fois qu'on le rate, qu'on perquisitionne chez lui, il est entre 6h et 7h du matin, hier, on trouve des éléments incriminants, la grenade, une arme de poing, etc. Immédiatement, les gendarmes font leur boulot, il y a une fiche d'individus dangereux évadés, la fiche en question, elle se trouve sur tous les ordinateurs de toute la police et de toute la gendarmerie. Chekhan disparaît, retour quelques heures après, à 19h30, le pont du Courbon, qui est un des deux grands ponts d'accès au centre de la ville de Strasbourg. Il y a une vidéosurveillance sur ce pont. Il traverse le pont, et là, à l'entrée de la rue qui est en face de lui, il y a un barrage. Le barrage en question, il est composé de policiers qui vérifient les identités. À côté d'eux, il y a une camionnette dans laquelle il y a un ordinateur, sur l'écran duquel se trouve le portrait de l'individu en question, danger. Comment arrive-t-il à entrer à l'intérieur de la ville? Mais comment avez-vous eu toutes ces informations? Mais par des policiers et des gendarmes de Strasbourg. Si ce que vous dites est vrai, c'est sorti. Non, c'est pas sorti. Non, ce sont des informations que nous annonce effectivement. Mais c'est très glaçant d'apprendre tout ça. Voilà. Bon. Un attentat qui tombe bien, 48 heures après les faits, avec un bougnoul visiblement doué du ton de télépathie, puisqu'il sait quand les flics viennent l'arrêter, et après une journée entière d'alerte antiterroriste, décide tout simplement de franchir un barrage de police pour aller commettre un attentat sur le site le plus surveillé de la ville en question, Strasbourg, et même de la région. Une chose assez marrante que j'ai vue, c'est que une partie des CRS qui avait été démobilisée du dispositif pour aller s'occuper d'une bande de lycéens qui faisaient une manif, quoi. C'est assez marrant. Alors, ça change rien parce qu'il a vraiment été, on l'a entendu, contrôlé par un barrage de police, puisque ça a été filmé par les caméras de vidéosurveillance. Donc, il y a bien eu des policiers qui ont contrôlé cette personne. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu, ils l'ont contrôlé ? Ils l'ont vu, ils l'ont contrôlé, ils l'ont laissé passer. Moi, de ce que ils l'ont contrôlé alors qu'il avait, il avait la calache dans le menton. Non, il n'avait pas de calache. Il avait un revolver masse. T'es sûr qu'il n'y avait pas une arme longue? Parce que il me semble que Roffer, dans une interview, il dit qu'il y a une arme longue. Non. C'est, il avait qu'un gros... C'est un gros revolver, c'est un machin qui est pas très discret d'ailleurs. Mais c'était qu'un revolver. Un millimètre, c'est un vieux calibre. Quoi. C'est bien, il passe les contrôles policiers, tout se passe bien, c'est cool, ça se passe bien. Bon. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus? Je sais pas. C'est bien. Bah écoute, ouais, oui, écoute, c'est un sale bougnoul, quoi. Un de plus. On en a combien, on est comme ça? C'est pratique, enfin moi je crois qu'il s'active de manière pratique. Moi je trouve ça bien. Ah bah là c'est un amalgame qui est permis. Hein. Là il a été permis de faire des amalgames. Oui. Bon on a bien vu donc. Ordre a été donné. Ordre a été donné. Bon moi je le dis clairement. Bon ma version à moi je l'assume totalement. T'es fort intérieur tu. Et je vais étayer mes propos un petit peu parce que des gens vont douter. Alors je pense effectivement que le face à la crise qui frappe le régime, sachant que ce qu'on a dit, hein, les élites qui contrôlent le système sont absolument tétanisées, disant qu'il faut lâcher parce qu'ils ont peur physiquement. Dites-vous bien que ces gens-là qui ont manipulé les djihadistes en Syrie, en Libye et ailleurs ne vont pas tellement hésiter à manipuler les mêmes clients sur le territoire français. Je ne vois pas ce qui moralement les en empêcherait, je ne vois pas ce qui techniquement les en empêcherait. Deuxième chose, faire crever 2-3 Français ou 2-3 étrangers qui visitaient Strasbourg pour sauver leur système à eux, je ne vois pas non plus ce qui les en empêcherait moralement. À mon avis, ils y sont prêts, c'est clair. Et puis, plus globalement, il y a des précédents. Il y a des précédents. L'État français, la DGSI, l'ancêtre, la DST, a organisé dans le passé des faux attentats. Fait sauter la maison de la famille Bouygues en Bretagne en 1972 pour faire porter le chapeau au Front de Libération de la Bretagne, pour lui faire mauvaise publicité. Donc, ce qui a été reconnu d'ailleurs par la suite par la DST. Donc la DST a reconnu avoir organisé de faux attentats pour accabler ensuite un ennemi politique. Ça a été la vérité aussi sur l'affaire des Irlandais de Vincennes, hein, où l'État français a fabriqué, sur ordre du gouvernement et de la présidence, de faux terroristes. On pourrait citer aussi les paillotes en Corse, hein, où des gendarmes se mettent à incendier des paillotes sur ordre du gouvernement. Le Rainbow Error, etc., etc. Donc en fait... Carpentras. Voilà, on pourrait citer comme ça beaucoup de choses où, en fait, ce sont de fausses attaques organisées par l'État. Alors, des gens m'ont dit, intellectuellement, c'est pas possible, moralement, c'est pas possible. Si, il suffit de multiplier les exemples et on les a, bien sûr, l'État... moralement, c'est pas possible. Non, mais les gens le disent. Non, mais les gens le pensent. Les gens pensent que, moralement, l'État français ne le ferait pas. Ah, du coup, le sac, c'était, moralement, c'était, ça n'a pas existé, moralement. On ne sait pas. Le sac, le service d'action civique, on ne sait pas trop. L'attentat de l'Observatoire, non. On ne sait pas trop. On ne sait pas vraiment, voilà. Donc, bon. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce bougnoul est passé à l'action avec son pétard du 19e siècle, fort à propos, qu'il a foutu en l'air tout le dispositif de sécurité antiterroriste, armée, police... Somme toute, avec beaucoup d'aisance, puisqu'il passe à travers les barrages. Il s'est fait tirer dessus, quand même, je crois. Ouais, plus tard. Il s'est fait tirer dessus pendant le premier jour, quoi. Le premier jour, quoi. Il s'est pris une balle de FAMAS dans le coude. Ah, dans le coude. Ah, putain. Ouais. On vit toujours le coude quand on est mis. Ouais, non, mais je sais pas. Attends, tu peux pas. Tu sais, quand tu... Tu vises, il est attrapé, quoi. Notre ami, donc, ensuite, interdiction de diffusion du portrait robot, parce que c'est quand même important d'empêcher. C'était très rigolo, ça, effectivement. Mais on peut pas quand même diffuser les portraits robots des terroristes, je sais pas. C'est dingue, ça, ouais. Et ensuite, est-ce un bougnoul? La question qu'on s'est tous posée pendant des jours, serait-ce un bougnoul? Non. Non, mais le portrait avait fuité du gars. Hein. Alors ensuite, moi je vous arrête tout de suite parce que il a été spécifié dès le départ parce que je vois les gens qui, enfin les complotistes, arriver. Il a été spécifié dès l'origine, tout de suite, à la première heure, qu'il s'agissait d'un Strasbourgeois et d'un Français. C'était important de le souligner. Du coup, les gens se sont mis en cherche d'un Strasbourgeois. Ah ben... le Strasbourgeois, tu sais, en costume traditionnel avec voilà. L'accent. Et un Mauser. Le malgré nous, quoi, tu vois. Le malgré nous avec un problème d'identité. Ah non, je vois. Portant Mein Kampf dans les mains, disons, je veux être attaché à l'Allemagne. Un Alsacien armé d'un Luger P08, racialement suspect, hein, passablement germain. Ouais. Écoutez, en fait, c'était un Al-Alsacien. Ah, bien vu. J'ai envie de résumer, finalement, c'était un Alsacien d'extrême droite. D'ailleurs, il est mort à Neudorf, voilà. Nouveau village. Voilà, un partisan du cléricalisme le plus dur. Un Strasbourgeois. Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Un Strasbourgeois en Alsace, partisan du cléricalisme le plus dur, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Et on nous emmerde avec des histoires de... Je sais pas. Ils nous font chier. Ouais. Il avait bu son pinot gris, il avait mangé sa flamme cuche, et puis il est parti, fusillé. Libérer l'Alsace. Libérer l'Alsace, et je le comprends. Donc, bon, comme par hasard, effectivement, ça tombait 24 heures hein, après le discours de Macron, crucial pour sauver le régime, parce qu'il préparait à s'envoler en hélicoptère le samedi d'avant. Bon, tous les jours, hein, les présidents français s'apprêtent à se barrer du pays en hélicoptère, donc... Donc les circonstances ne l'exigeaient pas. Bon, sur ces entrefaites, on a parlé quand même... Ah oui, ça c'est bien ça. On a parlé beaucoup de fichiers S. Hein, après. Pendant 3 jours, on n'a parlé que de ça. Avec, sans fiches, sans fiches, bracelets électroniques, est-ce qu'on les met en prison, pas en prison. Enfin, tout a été bon pour ne plus parler des gilets jaunes. Hein. Moi, je me suis même surpris à voir des mecs des Républicains parler contre le Front National, en fait. Il y avait carte blanche. On pouvait y aller, quoi. Bon. Personne n'a relevé là-dessus ? Non ? Pas spécialement ? Pas spécialement. Pas spécialement. Alors, en tout cas, attentat de Strasbourg que moi, je considère comme un coup totalement monté. Bon, prenez ce que vous voulez, mais bon, c'est un coup totalement monté. Refaire d'ailleurs, vous avez vu ça, a été attaqué par Panthéon Assas. Ah bon? Ouais. Le lendemain de sa déclaration, quand il a dit j'ai discuté avec les flics de Toulouse, de Strasbourg, les mecs m'ont dit le type c'est pas normal, il passe les barrages, il y a un souci. Panthéon Assas, le mec n'a pas de diplôme. Et qu'est-ce qu'il fait refaire? Il sort les diplômes, il les a. C'est assez curieux, non? Le gouvernement qui dit, ouais, non, en fait, le mec, il balance, il n'a pas de diplôme, et le mec, en fait, il les a. Écoutez. C'est oui, intéressant. Et on y est, on est dedans. Voilà, c'est bon. On y est. Ils vont utiliser toutes les ficelles qu'ils ont. Le régime est en train de s'écrouler. Les juifs sont pris de panique. On va y revenir. Ils vont vous... Ceci étant dit, je vais vous dire un truc. On n'est pas dans le soralisme ici. Hein. Des Arabes qui tuent des Blancs, il y en a toutes les semaines en France. Hein. On a parlé des viols, etc. Donc on n'est pas en train de dire que ça n'arrive jamais. N'allons pas croire que les Juifs ne sont pas suffisamment malins pour instrumentaliser au besoin, ou en fait pour laisser faire, si besoin, oui, c'est même peut-être pas directement, je pense, juif, mais là, c'est, ça sent quand même l'appareil d'État français. C'est l'appareil d'État, voilà, l'appareil d'État, voilà. C'est pas genre, bon, Bougnou le va là, c'est-à-dire, bon, lui, on sait qu'il veut faire des trucs, bon, on va tourner. On n'a rien vu. On viendra, mais une demi-journée plus tard, tu vois. C'est ça. Il n'est pas là. Quand on parle de trucs un petit peu préparés, les gens ils disent, ouais, mais putain, attends, mais genre, le type, ouais, tu penses que On lui a filé le plan, va là. Non, ça marche pas comme ça, c'est subtil. Hein. Tu laisses le mec faire le truc. Tu le sais qu'il va le faire et tu le laisses faire. Donc c'est pour ça, par exemple, que tu avais. Il y a une perquisition pour un truc de droit commun. Et avec les gendarmes, il y avait des mecs de la DGSI. Ils sont venus voir que le type. Bon, mais ça va. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il aurait eu l'intuition bougnolique que les flics viennent le chercher à 6h du mat? Le Coran. Le Coran ouvre des possibilités inédites. Ouais, l'étude du Coran lui a dit que bon, tu auras une perquisition, donc ne sois pas là, quoi. Ouais, ne sois pas là. C'est bien foutu, hein. C'est vraiment bien fait, quoi. Par contre, les gilets jaunes, c'est marrant, hein. Ils arrivent sur Paris, hop, ils sont bouclés. Alors non, même avant qu'ils arrivent. Ah oui, même avant. Je sais pas, c'est... Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu peut-être la faute du hasard, quelque part. Ouais, pas de chance. Ah, pas de chance, hein. Voilà. Coïncidence. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, le complotisme, vous allez voir, c'est un gros thème. Donc, enculé de complotisme, barrez-vous. On veut pas de vous. Alors, France 3 trafique des images anti-Macron. Ah oui, vous savez pas ça? Oui. Et là où il est marqué Macron dégage sur les banderoles à l'Arc de Triomphe, bah, le dégage, on met un blanc, la page. On met, c'est Macron. Ça. Mais il y a une banderole, le mec, il a marqué Macron. Voilà, c'est donc, bon, hein. Alors, le truc, alors, pareil, hein, accusation de complotisme, hein, c'est sur Internet. Donc, en fait, ça se passe aujourd'hui, ça se passe le 15 décembre, sur Paris, 15 décembre, des pancartes et tout, machin, je crois que c'est... Enfin, normalement, c'est sur Paris, les pancartes et tout, Macron dégage. Ça passe sur France 3, sauf que sur France 3, on voit les pancartes, mais il n'y a que Macron. Il y a marqué Macron. Et un blanc en dessous, et les... Toi, t'es là, tu fais même pas attention, enfin, tu regardes le truc, enfin, genre... mamie et papy regardent France 3, tu vois, ils disent Macron, et puis en fait, ils font même pas gaffe, quoi. Et en fait, il y a quand même des connards de complotistes, quoi, tu vois, sur Facebook, ils ont dit, ah, c'est bizarre, ah, les images collent pas tout à fait, quoi. Et ils disent, ouais, mais en fait, votre photo, elle a été caviardée, là, qu'est-ce qui s'est passé? Et, en fait, ils ont été obligés d'avouer le truc, parce que la photo a été prise par l'AFP, repris par France 3, France 3 a caviardé, tu pouvais pas sur deux médias niquer le machin, parce qu'il y a la place était trop grande. Donc, vous savez ce qu'ils ont dit, France 3 ? France 3, mais Élise Lucet, quoi, je veux dire, le truc officiel, hein. Ils ont dit, c'est une erreur humaine. Genre, c'est une erreur humaine d'effacer les noms, quoi, je sais pas si vous imaginez. Non, d'effacer le dégage. Enfin, c'est carrément, c'est impossible, d'accord ? On n'efface pas les noms fortuitement, ou les mots, les termes sur un truc. C'est-à-dire que c'est un boulot qui a été fait de maquillage. Donc, en fait, Élise Lucet, France 3, au niveau national... Oui, je crois pas que ce soit Élise Lucet, pour le coup. Mais... C'est pas Élise Lucet, c'est Mataouche. Oui, Mataouche. Vous savez, la grosse blonde, là, toute enflée, là. Autant pour moi. Donc, Mataouche. De France 3 national, c'est pas une édition locale, a dit c'est une erreur humaine. Or, c'est impossible que ce soit une erreur, pour des raisons évidentes. Donc, ils ont été surpris en plein traficage d'images à la soviétique, et ils ont dit ça se reproduira pas. Oui. Bon, on prête corrige. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà, bon. Mais les fake news, hein. Fake news, hein, c'est nous. Hein. Alors, du coup, j'en viens à l'affaire qui nous intéresse. Suite à l'attentat en question, dont les médias qui caviardent les pancartes, etc., qui nous disent qu'ils mentent sans mentir, hein, ils trafiquent les pancartes en direct, mais c'est une erreur humaine. Ces gens-là nous disent que tous ceux qui contestent la version officielle de ce qui s'est passé à Strasbourg sont des ordures, des salauds, ils n'ont rien compris, etc. J'ai envie quand même de citer deux personnes. Anne Sinclair, le soir même, nous a fait part d'un problème. C'est-à-dire que, alors que personne n'y faisait attention. En fait, en France, quoi, hein, personne ne faisait attention. C'est le soir même de l'attentat. Je veux dire. Il y avait vraiment pas de, enfin les gens ne étaient préoccupés par autre, totalement autre chose. Anne Sinclair réagit de manière très caricaturale. Et voici ce qu'elle nous dit. Ça vaut la peine. Je reprends. Anne Sinclair, on reste sans voix en découvrant que ce soir un certain nombre de paranoïaques osent émettre des théories complotistes alors que nous pleurons avec Strasbourg et ses habitants et que nous tremblons pour eux. Anne Sinclair tremble. Hein. Totale solidarité avec les Strasbourgeois et les forces de l'ordre. C'est très étonnant parce que Anne Sinclair, sa seule prise de parole sur Strasbourg, ce n'est pas l'attentat en lui-même. C'est le complotisme. Le soir même. Le soir même. D'accord ? Donc, il n'y a pas, oui, mes condoléances, et puis trois jours après, mais c'est bizarre quand même, il y a du complotisme. Non. C'est-à-dire que le soir de l'attentat, le truc qui inquiète Anne Sinclair, c'est le complotisme. Et qui va être repris partout, par tous les juifs médiatiques français. Voilà. Donc, ça commence comme ça, à leur niveau, l'affaire, en fait. Et ensuite, ça va être repris par Bernard-Henri Lévy, etc. Quoi. Bon. Ça vaut le coup, quand même, d'être relevé. Alors, ensuite, du coup, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est quand même important. Va suivre des réactions qui vont être tout sauf anodines et qui vont être politiques et qui vont nous viser. C'est-à-dire qu'en fait, Anne Sinclair, qui est quand même la femme de Dominique Strauss-Kahn... L'ex-femme. Ouais, l'ex-femme, oui. Dont la réaction consiste à dire « Mais... complotisme ?» Bah, cette femme-là va donner le ton. Et là, première réaction, le lendemain, Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, du système juif. Je vous le cite. Je propose que l'on crée le délit de complotisme et qu'il soit sévèrement puni. Je cite encore, « Nos policiers, nos gendarmes et toutes les forces de l'ordre sont véritablement les remparts de la République contre les casseurs d'ultra-droite et d'ultra-gauche, contre les gilets jaunes radicalisés. » Et j'en passe des meilleurs, mais je pourrais citer aussi, « Je suggère que les dégâts et coûts, y compris sécurité, d'un éventuel acte 5, il a eu lieu, soient mis à la charge de ceux qui appellent notamment Jean-Luc Mélenchon. » Donc, Ariel Goldman, Front social juif unifié, nous dit que manifester acte 5 doit être payé par les goïms, en l'occurrence un ennemi politique selon lui, un antisioniste, Mélenchon en tout cas, tel qu'il le conçoit. Il insiste ensuite en disant, voilà, grâce aux flics, on existe encore en France, notre pouvoir est intact. Je les en remercie. Et enfin, il dit... Il faut foutre en prison et complotiste. Voilà, c'est... Alors, la notion de complotisme étant extrêmement floue, hein, voilà, oui, c'est... Bah, c'est... Enfin, c'est les juifs qui décident. Les juifs décident de ce qui est vrai et... si et de ce qui est faux. D'accord, tu es complotiste. Voilà. Ouais, parce que, une incroyable rencontre des esprits, hein, voilà. Incredible meeting of minds, ce n'est pas un complot, hein, il faut le savoir. Tu cites là, en fait, le procès contre Zundel, auquel a participé Robert Forisson au Canada, dans lequel, pendant plusieurs mois, en fait, les révisionnistes ont pu exposer leurs arguments, et, comment dirais-je, la conclusion des juifs tenant de la version officielle des faits, hein, donc notamment, j'ai oublié le nom d'ailleurs de ce juif, de cet historien juif qui est considéré comme la sommité absolue. Ah, c'est Raoul Hilberg, non ? Raoul Hilberg, voilà, qui a écrit La destruction des Juifs d'Europe, a expliqué qu'effectivement, sur la base de ce qu'on savait, en fait, l'Holocauste avait été le fait d'une rencontre hasardeuse des esprits. En fait, il n'y avait pas de plan. Ouais, il n'y avait pas d'ordre, pas de plan, pas de budget, mais ça a eu lieu, voilà. Voilà. Comme ça, par télépathie, le malin arien, si tu veux, a fomenté ce, voilà. A fomenté ce complot. Parce que pour le coup, c'est la Shoah, c'est une théorie complotiste. Hein, C'est, ouais, c'est ça. C'est ça. Authentisme. C'est vraiment le conspirationnisme. C'est, dans sa version la plus pure, c'est la théorie de la Shoah. C'est ça. C'est ça. Quand et dans le juif t'accuse de complotiste, c'est en général, quand tu l'accuses, c'est lui-même qui l'accuse. Hein. En sachant que dans Le Monde, ils avaient été jusqu'à dire que, face aux questions scientifiques de Forisson, ils avaient été jusqu'à dire que, en fait, bah, puisque le crime avait eu lieu, il avait eu lieu, en fait. C'est, voilà, il ne faut pas se poser la question de savoir si ça a eu lieu, comment ça a eu lieu. Ça a eu lieu, c'est vrai, c'est comme ça. Et c'est techniquement possible parce que ça a eu lieu, en fait. Voilà, voilà. C'est ça, oui. Donc voilà, il ne faut pas se demander si c'est techniquement possible. Bon, mais ces mêmes gens, hein, le journal Le Monde, Ariane Chemin, etc., nous accusent de complotisme. C'est des gens qui vous disent que ça a eu lieu parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais c'est comme ça, voilà. Il faut pas trop chercher. Et puis, en fait, il faut pas trop chercher sur le 11 septembre. Et puis, en fait, il faut pas trop chercher sur rien. Il faudra jamais trop chercher sur rien, c'est comme ça, c'est magique, les juifs ont le pouvoir. Je conseillerais à Ariane Chemin deux choses, de s'épiler et de prendre une douche, ça pourrait être utile. Alors une douche, on va m'accuser d'appel au meurtre, mais non, une douche, tout simplement une douche, hein, de se laver quoi. Par respect pour les gens quand même, parce que bon, on n'est pas des animaux quand même. L'humanisme, ça passe d'abord, je crois, par l'hygiène corporelle. Aimer les autres, c'est aussi de pouvoir leur parler sans les faire fuir en puant des aisselles ou de la gueule. Voilà, donc Ariane Chemin est invitée à s'acheter du gel douche, à se fournir en eau courante et à se brosser les dents. Voilà, ça pourrait être, ça sera bien. Voilà. Alors, Ariel Goldman, qui sur sa lancée nous a proposé. Donc, oui, une loi anti-révisionniste, a été tout de suite suivie des faits par une autre organisation humaniste que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Centre Simon Wiesenthal, qui jusqu'à une date récente, en fait, était spécialisé dans la mise à mort des vieillards. Oui. Voilà. C'est une entreprise terroriste juive chargée de persécuter des vieux... des vieux Allemands qui avaient un poste quelconque près d'un camp de concentration, plus ou moins proche. Voilà, donc oui, ça c'est en bon français, mais alors en mauvais français ça dit une organisation humanitaire en charge de la défense des droits de l'homme et plus spécifiquement des droits des juifs. Oui. Oui, voilà, oui, bon, voilà. Alors, puisque la mine s'épuise, parce que bon, les nazis sont morts, hein, en gros, ben, il y a un problème de finances, et donc, là, le miracle apparaît, et le Centre Wiesenthal nous explique ce miracle. Dans une lettre adressée au ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, le directeur du Centre Simon Wiesenthal pour les relations internationales, Shimon Samuels, qui est irlandais d'ailleurs et qui n'est pas du tout juif, a exprimé son indignation devant les dérives antisémites des manifestations des Gilets jaunes menées à travers la France. Samuels a rappelé que Hitler, pour changer, lors de sa visite unique à Paris, a été tellement impressionné qu'il a créé le prix Für alle einmal in Paris, un jour à Paris pour chaque soldat de la Wehrmacht, en guise de récompense. Pendant l'évacuation nazie de 1944, je cite toujours, il a téléphoné au gouverneur allemand pour vérifier si son ordre avait été respecté et a crié « Paris brûle-t-il ?» Les manifestations émeutes de samedi dernier auraient plu à Hitler, les juifs devenant leur victime collatérale, a-t-il poursuivi. Ce qui a commencé il y a 4 semaines par des marches ciblées contre les taxes sur l'essence a été infiltré et détourné par des vandales d'extrême droite et d'extrême gauche, des anarchistes et des staliniens radicaux soucieux de vol, d'incendie volontaire et de chaos. Leur point commun est la théorie du complot et la haine des juifs, a fait valoir le centre Simon Wiesenthal. Cela deviendra une menace mortelle avec le retour d'un groupe de plus de 2000 combattants terroristes français survivants du califat en ruine, l'État islamique. Les entraînements de l'État islamique commencent dès l'âge de 10 ans pour l'utilisation des armes à feu, la décapitation des otages et le lavage de cerveau pour haïr les juifs. La lettre ajoute « Samedi dernier, le centre de Paris était verrouillé, les rues étaient désertes alors qu'elles sont normalement bondées d'acheteurs en cette période de Noël, qui ont réagi en s'imposant un couvre-feu. Les synagogues du secteur, jamais fermées un jour de Shabbat, étaient fermées pour leur propre sécurité. Habituellement bloquées par la circulation, les rues autour de notre maison, je cite toujours, étaient interdites de 6h du matin jusqu'au soir. C'était comme une zone de guerre, ornée de graffitis nazis et d'affiches du président sur lesquelles on pouvait lire « Macron, la pute des juifs ». Monsieur le ministre, la semaine dernière, la France s'est jointe aux 27 nations, autres membres de l'Union européenne, pour signer un manifeste historique contre l'antisémitisme. Cela doit maintenant être appliqué en imposant des mandats d'arrêt et des ordonnances de détention pour incitation à la haine et à la violence contre les juifs dans ce qui est devenu une intifada de Paris, a conclu le centre Simon Wiesenthal. Ça y est, voilà, Français, vous allez vous faire arrêter, les juifs l'ont exigé. Ah, le Goïm se révolte. Non mais attendez, c'est précisé, hein. C'est écrit. Hein. Ce doit maintenant être appliqué en imposant des mandats d'arrêt et des ordonnances de mise en détention pour incitation à la haine. Donc c'est pas des meurtres, hein, c'est pas des assassinats, c'est pas des trucs. Pas encore. On sait pas trop, mais on nous dit, voilà, si le type est louche, il faut le foutre en prison. Voilà. Donc les juifs ont dit. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est... Je suis très content que ce type flippe bien comme il faut. Hein. Les nombreux slogans, je pense notamment à notre collègue qui est passé sur la BBC, hein, qui a dit oui, Macron oui, putain oui. Juif. D'autres qui ont mis des banderoles sur les autoroutes. Oui. Et ça fait le tour. Je ne vois pas le rapport avec l'antisémitisme, vraiment. Ça, plus les affiches de démocratie participative qui ont aussi beaucoup plu à la communauté. Ces juifs sont... Du coup, faudrait-il jeter les gens en prison parce qu'ils ont des opinions différentes de la communauté juive? Je pense que quand au plus les juifs vont être mis sous pression, au plus ils vont demander... Le bolchevisme. Oui, le bolchevisme. La saisie des biens goy. Une juste administration libérée. Libérer l'économie. Selon le juif, c'est pas la même chose que pour nous. Pas pareil. J'ai l'impression qu'on est quand même déjà un petit peu dans le bolchevisme. Là. Mais je sais pas, mais ça c'est moi. On parlait des fichages tout à l'heure. Hein, le fichage d'à peu près tout le monde, de n'importe qui sort la tête. Ça accélère, hein, ça accélère. Avec une presse juive qui est, enfin, des journalistes juifs qui sont absolument unanimes. Oui. Permettez-moi de citer Frédéric Aziza, Radio J, également présent sur Public Sénat. Voici ce qu'il nous dit. Une simple question. Comment et pourquoi Maxime Nicole, donc qui est un des leaders des Gilets jaunes, cette petite crapule complotiste, et donc on va interdire le complotisme à bientôt, hein, vous le savez, qui consiste en fait à poser des questions, porte-parole des Gilets jaunes, qui a délivré sur l'attentat de Strasbourg, enfin qui a posé des questions, hein, peut-il encore être pris au sérieux et relayé par les médias, référence à CNews. Donc oui, clairement, les juifs disent on ne peut pas poser de questions sur Strasbourg. Bon, ça tombe sous le sens. Hein, depuis le 11 septembre, on a un peu j'ai un peu envie de dire, depuis les chambres à gaz, on a un peu l'habitude. Hein. On ne peut pas poser de questions. Et pourquoi vous donnez la parole les gens comme ça? Voilà, donc quelque part, référendum d'initiative populaire, c'est ce dont a parlé Maxime Nicole pour les Gilets jaunes. Référendum d'initiative populaire, poser la question au Goy, complotisme, chambre à gaz, nazisme. Hein? Oui. Oui? Oui, oui, nazisme. Oui, voilà, voilà. Ben voilà. Vous demandez la parole au Goy, le nazisme. Bon, c'est un peu ce qu'on a dit depuis le départ ici, mais c'est corroboré, c'est corroboré. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du référendum d'initiative citoyenne? J'ai envie de vous entendre parler là-dessus. Oui, j'en ai parlé au début par rapport aux grosses pancartes là, qu'il y a par chez moi. Ça, c'est comment dire, c'est une mesure fédératrice selon moi. Hein. Donc c'est, oui. Ça peut être les gens de gauche, voilà, démocratie c'est bien. Nous aussi. Participative. Voilà, participative. Nous aussi, pourquoi? Pourquoi, comme j'ai dit, les députés savent très bien, tous les corps intermédiaires à la con, que si on nous demande notre avis, ben, pour ce qui est de l'immigration, ça va être vite réglé. Et pour ce qui va être de la peine de mort aussi. Hein, donc au niveau des changements de la justice et de la pompe aspirante, de l'aspirateur à nègre qu'est la politique de l'immigration, voilà, ça serait plus pareil. Donc oui, donc le juif, c'est une Hitler, voilà, Hitler. Oui, c'est ça. Je crois que quand en fait tu laisses parler les goy, l'hitlérisme. Voilà. Donc c'est-à-dire que bon, les gauchistes, ils pensent qu'ils vont avoir un SMIC à 2000 euros. Bon, ça arrivera jamais, hein, c'est pas possible. Mais même tu poses la question aux gens, bon, peut-être qu'il y a 20-30%, mais le reste, voilà, ça le fera pas. Par contre, l'immigration et la peine de mort, oui, même, je sais pas, bon, abroger, la liberté d'expression, est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut? Ah oui, on peut, très bien. Ah bah ouais, d'accord. Oui, puis en plus, ces gens, ils parlent de vraiment d'un pouvoir abrogatoire, donc éventuellement suspension de toutes les lois scélérates sur l'immigration et compagnie. L'antiracisme, oui. Voilà, l'antiracisme et révocatoire, c'est-à-dire, et révocatoire de tous les fonctionnaires d'État, y compris les journalistes, donc y compris Aziza. Donc effectivement, le référendum d'initiative citoyenne, hein, il pourrait éventuellement placer Monsieur Aziza dans un train. Hein, ah, non, Aziza, le violeur de blanche, faut-il le rappeler. Hein. Oui, c'est vrai, mais je voulais proposer, moi, le référendum d'initiative déportatoire. Oui. Permettant d'acheminer les populations indésirables dans des lieux particulièrement indésirables. Donc, les juifs au Juifistan, les bougnoules au Bougnoulistan, les nègres au Négristan et les Français en France. Voilà, les récalcitrants à la mer. Ah oui, voilà, la nage. Donc, il y a des choses à faire. Et je pense que la démocratie, pour qu'elle soit vraiment démocratique, doit inclure la partie la plus participative de la population. C'est pour ça qu'ici, nous avons été pionniers, je crois qu'on peut le dire, bon, là, c'est pas usurpé, hein. Envers et contre eux, et malgré la répression, nous défendons une véritable démocratie participative. Je crois que c'est clair. Et nous appelons d'une chose au référendum d'initiative citoyenne, il faut que les gens puissent voter, et deuxièmement, voilà. Qu'ils puissent voter de manière décisive sur des sujets très importants comme la déportation des juifs, des nègres, des arabes, dans les conditions qui seront ce qu'elles seront. Voilà. Oui, parce qu'actuellement, il y a un truc qui est apparemment en place, où pour avoir un référendum, il faut 5 millions de personnes. Bon, ça, oui, pourquoi pas, hein, on peut mettre toujours un chiffre quand même. Pour faire 6 millions, pour... 6 millions, c'est bien. 6 millions, ouais, ça serait pas mal. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu aies genre 180 députés et sénateurs, tu sais, qui suivent. Ah oui. Et bon. Le président, voilà. Aussi, non. Oui, non, c'est très. Voilà, c'est eux qui te font le truc, qui te disent bon. Ah alors, bah alors mon gars, alors tu veux poser cette question, alors attends, on va la reformuler, tu vas voir. C'est, voilà. Ah, t'as le droit de voter, qu'est-ce que. Donc il faut être bien vigilant là-dessus, hein. Là c'est. Il faut pas se faire enfumer. Il faut en aucun cas qu'un député n'ait à mettre son nez là-dedans. Mais de toute façon, en fait, cette histoire, c'est pas important parce que de toute façon, le simple fait de mettre ça en place, ça équivaut à foutre en l'air la 5ème République. Donc de toute façon, soit ils l'acceptent, soit ils l'acceptent pas, c'est autre chose. Ils l'accepteront pas, à mon avis, sauf une révolution. Mais de toute façon, ça suffit à foutre la merde et à dresser le peuple contre ce régime pourri. Donc de toute façon, c'est bon à prendre. Oui. Le vote en lui-même. Non, mais en plus, ça se vend très bien. Ça se vend très bien. Mais en plus, c'est extraordinaire. Tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Ouais. J'ai envie de dire, tout le monde le veut, personne ne l'aura. Donc, c'est ça. Voilà, quel carburant pour des révolutionnaires. Frustration, ça va faire la frustration. Voilà. C'est très bien. Ouais. Et voilà. Alors, sur ce. Bon, bien sûr, nous devons maudire les juifs. Mais. Autre chose? Bah, je propose de nommer ce programme que vous venez de décrire Horizon au pluriel, Horizon radieux. Ah! Pourquoi? D'abord, vous me foutez de la gueule des socialistes, ça c'est un. Et enfin, des gauchistes, hein, dont les socialistes sont la figure de proue généralement. Mais ensuite, moi, je trouve que ça représente bien ce que ce serait. On aurait des horizons radieux pour tout le monde. L'horizon serait radieux pour les Français, les Européens, pour les Nègres, pour tout le monde, même pour les Juifs, si on les renvoie chez eux. Mais ils n'ont pas de chez eux. Mais oui, enfin, sauf chez aussi. Eux, on se comprend. Oui, aussi. j'ai compris, Fulbert. Il y a une incredible meeting of minds, tu vois. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. Et vive la démocratie participative.